إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن الله عليم خبير. نعم، c'est-à-dire en français. نعم، c'est ce qui va suivre, inshallah ta'ala, est auprès d'Allah. Et c'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice. Et il sait ce qu'il y a dans les matrices, et personne ne sait ce qu'il acquérera de ton bras. Allah est tombé parfaitement contre ce verset que Allah subhanahu wa ta'ala exalté soit-il le Seigneur, yani, qui connaît tout. Et il a voulu nous dire ici qu'il y a cinq choses. Père peut les connaître sur cinq choses. Personne, il y a beaucoup de choses, mais dans ce verset, une chose, personne ne peut connaître sauf le Père des choses. Premièrement, la connaissance de l'heure. La connaissance de l'heure. فعلم الساعة مبدأ مفتاح لحياة الآخرة وسميت الساعة بهذا لأنها ساعة عظيمة. نعم. طيب. الله سبحانه وتعالى l'a appelé l'heure. نعم. Ce sera يعني la dernière heure, la fin du monde. On veut dire par là la fin du monde. La fin du monde, personne ne la connaît. Fût-il un messager ou un prophète, ou alors un ange. Ou alors un ange. Personne ne peut connaître c'est quand la fin du monde. Tout ce que vous lisez ou vous entendez, ou la, les voyants et les voyantes disent que c'est tel jour, telle année, même si un musulman dit, un musulman, il va dire, j'ai lu dans le Coran ou n'importe où, j'ai trouvé que la fin du monde serait tel jour ou telle année, dites-lui tout simplement menteur. Ou alors, que, ignorance et tout, parce que personne ne peut connaître quand c'est la fin. Exemple, la fin de l'année, j'ai expliqué, je l'ai montré la fois passée, quelles sont les preuves de cela et le hadith qui est authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que Adam a été créé et qu'il est rentré au paradis un vendredi, qu'il est descendu sur terre un vendredi, que Allah Ta'ala lui a fait le repentir le vendredi et qu'il est mort le vendredi. Et que, le vendredi sera la fin du monde. Donc on sait que c'est un vendredi. Mais quel vendredi? Est-ce que c'est le prochain ou bien dans 5 milliards d'années ou bien 10 milliards d'années? Personne ne sait cela. Mais le Seigneur, exalté soit-il, a mis des signes qui montrent que, par exemple, la fin du monde n'est pas loin. Et les signes sont connus par tous les frères et les sœurs qui ont assisté au Doros, qui connaissent les signes. Il y a les grands signes et il y a les petits signes. Les grands signes n'ont pas encore apparu. La fin du monde ont apparu. Un signe, vous savez qu'il y a un hadith qui montre qu'il y a 10 grands signes. C'est les 3 grands mondes de terre qui vont avoir une terre. Je ne sais pas comment ils s'ouvrent. Terre, on dit que ça fait commencer par étoile. Naam. Taïb, puisque ça coupe beaucoup, qu'est-ce qu'on fait? Taïb, ça coupe beaucoup. Naam, ça coupe beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas... Je crois que ce n'est pas de ma faute. Je crois que c'est le paltok. Je crois que c'est le paltok. Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous voulez, inshallah ta'ala, je vais fermer le salon et le réouvrir. Mais je ne sais pas si ça va résoudre le problème. Pour être plus sûr. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me reconnecter. Yani sortir non seulement du salon, mais encore de l'internet. Et rentrer et essayer. Non, c'est le paltok. Je vous donne chaleur. Je disais que, en ce qui concerne la fin du monde, personne ne peut la savoir, c'est un vendredi, et il y a les grands signes, et il y a quoi? Il y a les petits signes. Une seconde, Inch'Allah, une seconde. Une seconde, Inch'Allah. Non. Et les grands signes, j'avais cité que il y avait trois, disons, ça s'appelle khasf. En arabe, on dit khasf. C'est la terre qui s'ouvre. Ce n'est pas un tremblement de terre, mais ça ressemble. Un tremblement de terre, il y a les immeubles et les maisons qui tombent, etc. Mais le khasf, c'est la terre qui s'ouvre et les gens et les immeubles qui rentrent à l'intérieur. C'est plus grave. Donc il y aura trois khasf, comme je viens de le citer. Il y a un grand feu. Il y aura la bête qui va sortir. Non. Il y aura le soleil qui va sortir de l'ouest. Il y aura aussi il y aura l'antéchrist. Non. Et il y aura bien sûr la descente de Isa, de Jésus, alayhi wa nabiyyina sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui et sur notre prophète. Ce sont les 10 grands signes de la fin du monde. Naam. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il a dit? Deuxièmement, وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ. Seul Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur, exalté soit-il, seul lui peut faire descendre la pluie. Personne, ni un prophète, ni un ange, ne peut faire descendre la pluie. Seul Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur, exalté soit-il, peut faire descendre la pluie. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a des gens, yani, certains gens, dans un hadith authentique, à peu près c'est ça son sens, il dit yani, qu'Allah ta'ala a dit certaines personnes sont yani, sont devenues croyants en moi et d'autres ont mécru en moi. Ceux qui ont mécru, ce sont ceux qui disent que tel par exemple, comment on dit Kaukab en arabe, en français, tel astre ou là, c'est lui qui a fait tomber la pluie. Et celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui dit que c'est Allah ta'ala qui a fait tomber la pluie. Telle planète par exemple là, tel astre ou là, c'est lui qui a fait tomber la pluie. Alors qu'en islam on dit c'est Allah ta'ala seul et celui qui fait tomber la pluie. C'est pour ça que personne ne peut dire que dans 5 minutes ou là, dans 3 minutes ou là, demain ou là, il va y avoir la pluie. Mais il faut toujours dire Inch'Allah, si Allah le veut. Car même si on fait des calculs, la météo, etc., il faut dire que bi'idnillah, si Allah le veut. Car s'il ne le veut pas, à la dernière seconde, il fait changer la direction du vent, par exemple. Ou alors il fait changer la direction des nuages. Ou alors il ne fait pas tomber la pluie du tout. Naam. Ensuite, on avait dit que yunazilu al-ghayth. Al-ghayth ici, c'est quoi? C'est la pluie salvatrice. Hein, vous avez lu la pluie salvatrice. C'est-à-dire que la pluie qui tombe, si elle tombe par exemple sur une terre qui n'est pas fertile, qui est stérile, cette pluie ne fera pas, yani, n'aura pas beaucoup d'intérêt ni de bénéfice. Surtout si la terre ne la retient pas, par exemple. Car il y a des terres qui, masha'Allah, retiennent de l'eau et il y a des terres qui ne retiennent pas de l'eau. Mais la pluie qui contient beaucoup d'intérêt et de bénéfices, c'est la pluie qui, lorsqu'elle tombe, en même temps, les gens vont profiter pour boire, etc., abreuver les animaux, etc., mais aussi qui fait sortir les plantes, qui fait pousser le blé et l'orge, et sortir les fleurs, etc. C'est cette pluie que Allah subhanahu wa ta'ala, yani, il se fait l'éloge à lui-même de la faire descendre. Naam. Ensuite, il a dit, et on avait cité un hadith, je ne l'ai pas ici devant moi, il n'est pas devant mes yeux, le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si Yani, le temps arrivera où les gens feront les péchés, et spécialement feront l'adultère, feront l'adultère devant tout le monde, sans se cacher. Alors, c'est quoi leur châtiment? Il a dit qu'ils auront les maladies que leurs ancêtres n'ont pas eues. Et ça a été prouvé maintenant par le sida. Par le sida, par exemple, ça a été prouvé, le sida n'a jamais existé chez nos aïeux, ni nos grands-pères. Et il a dit aussi que si vous ne donnez pas la zakat, vous ne faites pas sortir l'aumône, la zakat qui est obligatoire, qui est un pilier en islam, si vous ne donnez pas un peu de l'argent, c'est-à-dire combien? 2,5%, c'est tout. Subhanallah, 2,5%. Il a dit si vous ne faites pas cette chose aussi, alors il va faire quoi comme châtiment? Il va pas vous faire descendre la pluie. Il va pas vous faire descendre la pluie. Il a dit, et s'il n'y avait pas les animaux, il n'aurait rien fait descendre d'elle. C'est-à-dire que il va quand même faire descendre un peu, à cause des animaux, à cause des bêtes. Sinon, personne ne recevra une goutte d'eau du ciel. Du ciel, naam. Ensuite, troisièmement, il a dit, وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. Naam, وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. C'est-à-dire, ça donne en français, je vais monter un peu haut, et il sait ce qu'il y a dans les matrices. Et il sait ce qu'il y a. Et on avait dit que seul Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, seul lui sait qu'est-ce qu'il y a dans les matrices. Seul lui. Personne ne peut savoir ce qu'il y a dans les matrices avant quoi? Avant la création du fœtus Adam, avant que Allah ta'ala ne dise à l'ange, fais de lui un garçon ou une fille. Personne, il est impossible que quelqu'un, si l'embryon est encore à l'état spermatique, que quelqu'un puisse savoir si c'est un garçon ou c'est une fille. C'est impossible. C'est pour ça que on a dit la fois passée qu'il n'y a pas contradiction. Il n'y a pas contradiction avec le fait de savoir avec l'échographie que c'est un garçon ou une fille, et avec le fait que Allah Ta'ala, il est dit dans le Coran que celui sait ce qu'il y a dans les matrices. Il n'y a pas de contradiction. Surtout pour ceux qui comprennent l'arabe. Surtout. Car Allah Ta'ala a dit « وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ » « مَا » Il n'a pas dit « مَن » « مَن » « مَا » C'est-à-dire ce qu'il y a. Et « مَن » C'est-à-dire c'est le sexe masculin ou féminin. Alors Allah Ta'ala n'a pas dit qu'il connaissait le sexe masculin ou féminin. Il dit « savez ce qu'il y a ». Ce qu'il y a, c'est beaucoup plus général. C'est-à-dire est-ce un garçon ou une fille? Est-ce qu'il sera heureux ou malheureux? Est-ce qu'il se mariera ou ne se mariera pas? Quand est-ce qu'il sortira du ventre? Quand est-ce qu'il mourra? Combien qu'il aura de bien dans cette vie? Combien qu'il vivra? Est-ce qu'il sera malade? Combien qu'il aura d'enfants? Yanni, il sait tout sur lui. Mais cette chose, personne ne peut la savoir. Personne, ni un ange, ni un prophète. Seul Allah subhanahu wa ta'ala peut. Yani, c'est cette chose. En ce qui concerne le fait de voir avec l'échographie, j'ai dit, ça c'est une chose maintenant très banale. Banale. Non, banale. Il suffit d'avoir cet appareil-là pour voir. Et dans, je suppose, quelques années, peut-être cet appareil, tout le monde peut l'avoir chez lui. Pour voir vite, yani, qu'est-ce qu'on a. Non. Mais Allah Ta'ala a dit que personne ne sait ce qu'il y avait. Yani, premièrement, avant la définition du sexe, avant que Allah Ta'ala ne dise à l'ange, fais le garçon, bien fais le fille, naam, et tout ce qui entoure ce bébé, tout ce qui l'entoure, toute sa vie, jusqu'à ce qu'il meure. C'est la chose que seul Allah connaît. Seul Allah connaît, naam. Ensuite, il a dit, là j'ouvre une parenthèse pour prévenir mes sœurs qui, yani, sans raison valable, veulent voir si elles ont un garçon ou une fille lorsqu'elles sont enceintes et, par grand malheur, elles se font découvrir devant un médecin qui est homme. Yani, elles vont faire l'échographie chez un homme. Alors que cela, ce n'est pas une nécessité. Ce n'est pas une daroura qui permet à la femme de montrer son ventre devant le docteur. Ce n'est pas une daroura. Ce n'est pas une opération qu'il doit faire, sinon on va mourir. Ça, c'est une chose, que je le sache ou que je ne le sache pas, ça ne me mène à rien. Ça ne m'avance à rien. C'est juste une petite joie. Et peut-être même si quelqu'un attend un garçon et il trouve que c'est une fille, peut-être qu'il va, il va s'énerver, etc. Naam. Ensuite, il a dit, Naam, wa ya'lamu ma fil ghad. Naam, très important. Je recolle ici, je recolle la quatrième. Qu'est-ce qu'il a dit? Et c'est ce qu'il y a dans les matrices. Il a dit, et personne ne sait ce qu'il acquérera demain. Et personne ne sait ce qu'il acquérera demain. Naam, il est impossible que quelqu'un sache qu'est-ce qui va lui arriver demain. Je dis non seulement demain, mais dans une minute. Est-ce que quelqu'un peut jurer par Allah qu'il va vivre encore une minute? Et que ce n'est pas dans quelques secondes, il va y avoir un tremblement de terre, il va mourir. Ou bien il y a l'immeuble qui va se démolir. Est-ce que quelqu'un peut jurer qu'il va vivre encore quelques minutes? C'est impossible. Et le croyant, le vrai croyant, sait que il a une conviction dans son cœur que seul Allah connaît le mystère et l'avenir. وَلَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Dit, personne ne connaît. وَلَا يَعْلَمُ, ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre. Le mystère, sauf Allah subhanahu wa ta'ala, sauf lui, qu'on ait le mystère et qu'on ait l'avenir et qu'on ait ce qui se passe demain. C'est pour ça que dans notre islam, quiconque va chez un voyant, ou bien celui qui prédit l'avenir, par exemple, et lui pose la question, qu'est-ce que je vais avoir demain, ou là, avec qui je vais me marier, ou là, est-ce que je vais avoir mon baccalauréat, ou là, qui est-ce qui m'a volé ma chaîne d'or, ou là, j'ai pas trouvé ma voiture, où est-ce qu'elle est, etc. Il lui demande. S'il lui demande seulement, sans le croire, c'est-à-dire l'autre va répondre et l'autre ne croit pas. Je crois, ta prière ne sera pas acceptée 40 jours. Regardez, tellement c'est grave. Une prière, une seule, si elle n'est pas acceptée, ça veut dire que c'est comme si tu ne l'avais pas faite. Une prière, un jour, combien de prières ne vont pas être comptées? Celui-là, si tu ne le crois pas, فَقَدْ كَبِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ, il a dit, فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. L'islam en conviction. J'ai la conviction que personne ne connaît ce qui va se passer demain, ni dans une heure, ni dans une demi-heure. Et la grande preuve, c'est que quoi? C'est que les voyants et les voyantes, et ceux qui prétendent connaître l'avenir, pourquoi alors, puisqu'ils connaissent l'avenir, pourquoi alors tombent-ils malades, médicaments avant de tomber malade, puisqu'ils savent qu'ils vont tomber malades? Pourquoi font-ils et font-elles, les voyantes, pourquoi font-ils et font-elles des accidents de voiture, alors qu'elles prédisent l'avenir, et elles savent que demain elle va faire un accident? Pourquoi des malheurs? Pourquoi ils ne peuvent pas parer à ces malheurs avant qu'ils n'arrivent? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est-à-dire que Allah ta'ala a dit, en parlant de son prophète dans le Coran, j'ai oublié de chercher ce verset pour le traduire en français, il a dit, attendez, je cherche le verset, قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ نَعَمْ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ, attendez, قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. نعم. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. سبحان الله العظيم. ولا أعلم الغيب. Ça veut dire, je ne connais pas le mystère. Ça veut dire aussi l'avenir. La a'lamu al-ghayba. Naam, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne vous dis pas que j'ai les armoires de Allah subhanahu wa ta'ala, les armoires yani du bien. Je n'ai rien. Je ne connais pas l'avenir et le mystère. Ça, c'est le prophète qui le dit dans le Coran, bien sûr. Dans un autre verset, il a dit yani, ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. Et si je connaissais l'avenir, alors je me serais rempli de bien et aucun malheur, aucun mal ne me serait arrivé. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, on l'a frappé, yani avec un caillou, on lui a cassé une dent. On lui a cassé une dent et on lui a fait couler du sang, etc. Alors s'il savait, il n'aurait pas été à cet endroit où on allait le frapper pour lui faire casser une dent. Non. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même ne connaît pas ce qui va se passer demain. Ni lui, ni aucun ange. Seul Allah Ta'ala sait ce qui va se passer demain. Et autre chose, non. Et puis il y a certaines personnes, non. Du coup, il y a certaines personnes qui croient. Elle croit qu'elle joue à un jeu. Et ce jeu, soi-disant jeu, est très connu. Même en France, je suppose qu'il est très connu. Ça s'appelle « on va jouer à l'esprit ». On va jouer à l'esprit. Ils vont s'asseoir comme ça en groupe autour d'une table et mettre les doigts. Chacun va coller ses deux mains. Je colle mes deux pouces. Je colle mes deux pouces. Mon pouce gauche avec mon pouce droit. Ensuite, mon petit doigt de la droite, je vais le mettre avec l'autre main de celui qui est à ma droite. Et l'autre petit doigt de la main gauche, l'auriculaire, je le mets avec celui qui est à ma gauche. Et comme ça, on va faire, yani, tous nos doigts vont être joints. Ensuite, on va mettre un petit verre comme ça au milieu. Et on va faire des lettres tout autour. Et si on lui dit, on commence par esprit, es-tu là? Et le verre va commencer à bouger du milieu de la table et va aller vers les lettres. Il va aller vers le O et il revient à sa place. Il va vers le U, revient à sa place. Ensuite, vers le I, ça veut dire oui, je suis là. Ensuite, esprit. Par exemple, on va commencer à poser des questions. L'autre, elle va demander, esprit, est-ce que celui qui a demandé ma main, elle va le citer, est-ce que il va m'épouser? Et ils attendent la réponse. Le vers, est-ce qu'il va aller vers oui, il va aller vers non? Et comme ça, et beaucoup de gens le font. Et ils ne savent pas quoi, bien sûr, parce qu'ils ne connaissent pas la aqida, ils n'ont pas de dogme. Ils ne savent pas que c'est un djinn. C'est un djinn qui s'est présenté et il est là en train de passer leur temps avec eux, parce qu'il ne connaît pas lui aussi l'avenir. Il ne connaît pas le mystère lui aussi. S'il connaissait, il ne serait pas resté, lui et ses aïeux, ses grands-pères, il ne serait pas resté des années alors que Souleyman alayhi salam était mort, appuyé sur une canne. Et ils croyaient qu'il était vivant. S'ils connaissaient l'avenir, ils auraient dit, celui-là, il est mort, ça fait longtemps. Classe, on ne va plus lui obéir. Et cet esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il joue avec les cerveaux de ces gens. Et ensuite, il finit par quoi? Il finit par choisir une ou deux personnes pour les frapper et les habiter. Ensuite, ces personnes, elles ne vont plus retrouver yani, leur santé, toujours malade, toujours en train de dire n'importe quoi, toujours, ils ne savent pas d'où c'est venu. Ils ne savent pas que c'est le châtiment du djinn, yani pour l'avoir fait venir, et on doit quand même payer. Il ne va pas venir ici pour jouer et perdre du temps. Donc, il va prendre une, surtout les femmes qui sont faibles, etc. Il choisit par exemple la plus belle d'entre celles qui sont présentes, et il va l'habiter. Il va l'habiter pour faire avec elle le haram, etc. Et nous, certains de nos frères, quand on est allé faire, ou là, ils sont allés faire des ruqyas à ces gens-là, ils disent que lorsque le djinn leur parle, ils disent c'est pas de ma faute, ce sont eux qui m'ont appelé pour que je leur donne, yani, je leur parle de l'avenir. Est-ce qu'ils vont avoir ceci, ils vont avoir cela, c'est pas de ma faute, ce sont eux qui m'ont fait venir. Allah subhanahu wa ta'ala al-afiyah, naam. Ensuite, il a dit, cinquièmement, C'est la dernière des choses. Non. Non. Non. Khamisan, puisqu'il a dit dans le verset, attendez, je vais le verset ici. Non. Et personne ne sait, bah, et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Personne ne sait dans quelle terre il mourra. Non. Aucune personne ne peut savoir où elle va mourir. C'est impossible qu'une personne sache où elle va mourir. Si c'est en Algérie, ou bien en France, ou bien dans telle ville, personne ne peut savoir où il va mourir. Mais il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que, attendez, je vais le mettre ici, je l'ai en arabe, c'est dommage, je ne l'ai pas mis en français, j'ai oublié de le traduire en français. Hein? Ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que, attendez, je vais d'abord le coller. Non. Ida arada Allahu qabda abdin Il se trouve dans Sahih al-Jama' de Sheikh al-Albani, numéro 311. Hadith authentique. Hadith authentique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ida arada Allahu qabda abdin bi ard. Si Allah subhanahu wa ta'ala veut que quelqu'un meure dans une terre. Non. Qu'est-ce qu'il va faire? جَعَلَ لَهُ فِيهَا حَاجَةً Il va faire de sorte, Allah subhanahu wa ta'ala va faire de sorte à cette personne pour qu'elle ait besoin d'une chose dans ce pays. Et elle va partir dans ce pays, subhanallah al-azim, quand elle arrive là-bas, elle meurt. Non. Supposons que quelqu'un vive par exemple au Koweït. Et que Allah ta'ala a écrit que cette personne doit mourir par exemple à Marseille. Que va faire Allah subhanahu wa ta'ala? Il faut que cette personne meure à Marseille. C'est impossible qu'elle meure au Koweït. Il va lui faire une chose, un sabab, pour que cette personne dise qui est au Koweït, il faut que j'aille à Marseille. C'est très important. Il faut que j'aille. Je dois acheter là-bas telle chose. Là, je dois avoir un ami là-bas. Ou là, je dois faire telle chose là-bas. Et dès qu'il arrive là-bas, il doit mourir au moment, à la minute, à la seconde où Allah subhanahu wa ta'ala avait écrit il y a 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre que cette personne allait mourir. Subhanallah al-Azim. Donc, tout est basé sur la sagesse. Tout est basé sur la sagesse. Allah Ta'ala veut que tu meurs dans un endroit, il va faire de sorte dans ton cœur que tu dises, il faut que j'aille vers cet endroit. Et quand tu vas dans cet endroit, subhanallah al-Azim, tu trouves qui? Tu trouves l'ange de la mort qui est en train d'attendre là-bas. Naam. Et comme j'ai dit que personne ne connaissait où il va mourir, ça veut dire aussi que personne ne peut connaître quand il va mourir, quand. Le quand et le où. Personne ne sait ni où ni quand. Naam. Mais il est possible que Allah Ta'ala dise par exemple à un messager ou à un prophète que cette personne va mourir demain ou l'après-demain. Ça, c'est possible. C'est pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'après Omar ibn al-Khattab, d'après le hadith qui se trouve dans Sahih al-Bukhari, naam, dans Sahih al-Bukhari, qu'a dit Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, il a dit, « Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yurina masari'a ahli badrin bil ams, yakulu, hada masra'u fulanin, gadan insha'Allah. » Donc Omar ibn al-Khattab a dit, lorsque vous connaissez tous la bataille de Badr, hein, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah al-azim, nous avait montré la veille de la bataille, qu'est-ce qu'il nous a montré? Subhanallah al-azim, il leur a montré la place de ceux qui allaient mourir, l'endroit exactement où ils allaient tomber morts avec leur nom. Subhanallah al-azim, la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam marche avec les compagnons, entre autres Omar al-Khattab, et il leur dit, là, à cet endroit, tombera par exemple X des kuffars. Ensuite, il marche un peu. Là, à cet endroit, tombera X, mourra X, avec la tête coupée ou là, je ne sais pas quoi. Ensuite, il marche un peu. Ici, mourra X, subhanallah al-Azim. Qui peut savoir cette chose? Omar al-Khattab a dit, lorsque cette chose s'est passée, qu'est-ce qu'il a dit? فَوَلَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ Je jure par celui qui l'a envoyé, yani dans la vérité, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Je jure par Allah. Naam. Ma akhta'u al-hudud allati hadda Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je jure par Allah que aucune personne qui a été désignée n'a manqué sa place, ou n'a raté sa place, ou n'est morte quelques centimètres plus loin. C'est impossible. Il a dit, je jure par Allah que chaque personne que le prophète alayhi sallam a cité et a dit, voilà où mourra cette personne, je jure par Allah qu'elle est morte exactement en son endroit. Exactement en son endroit. Subhanallah al-Azim. Naam, est-ce que vous m'entendez? Où est-ce que ma Abdallah et l'autre? Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Naam. Tayyib, autre chose. Naam, le fait de ne pas savoir quand est-ce qu'on meurt, c'est une grande ni'ma. Le fait de ne pas savoir quand est-ce qu'on meurt, c'est une grande ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car si on savait qu'on allait mourir et quand est-ce qu'on mourrait, il y aurait deux grands, disons, défauts. Le premier, c'est quoi? C'est de ne pas faire les bonnes actions jusqu'au dernier mois où on va mourir, ou alors le meilleur d'entre nous jusqu'à la dernière année. Non. Si par exemple, je savais, je donne un exemple, je sais que je vais mourir dans 35 ans. Naam, je vais mourir dans 35 ans. Masha'Allah, j'ai tout ce temps devant moi. Je laisse, Inch'Allah, les cinq dernières années, et je fais la tauba, je fais le repentir. J'ai, Masha'Allah, 30 ans devant moi pour plaisanter, jouer, faire le haram. 30 ans devant moi. Alors, si je suis, Masha'Allah, sinon certains vont laisser la dernière année, vont profiter 34 ans. Et d'autres vont laisser seulement le dernier mois. Il dit, j'ai toujours faim de cette vie. Je laisse seulement le dernier. Et d'autres, peut-être la dernière semaine. Il dit, khlas, il reste seulement une semaine. Et peut-être certains même vont laisser seulement le dernier jour. Donc, personne ne fera les actions jusqu'à quoi? Jusqu'à ce qu'il sache que, khlas, c'est arrivé la fin. Allez, premièrement. Deuxièmement, ça nous aurait noirci notre vie. Ça nous aurait dégoûté, ça nous aurait rendu toujours triste, toujours. Naam. Même si on te dit, tu vas mourir dans 30 ans. 30 ans, ça va passer très vite. Naam. Et tu vas commencer à calculer jour après jour. Alors, pour celui qui va mourir 30 ans. Et maintenant, si toi, par exemple, tu allais mourir, disons, dans 6 mois. Alors, comment va faire cette personne? Est-ce qu'elle peut manger pendant les 6 mois? Elle va pas manger. Elle peut dormir, elle peut pas dormir. On lui dit, viens, on va sortir un peu, on va se promener. C'est pas possible qu'elle sorte. Classe. 6 mois, c'est pas là, on n'a pas le cœur pour faire une chose ou la manger ou la ceci ou la cela. Non. Donc, c'est une grande ni'ma que personne ne sait quand est-ce qu'il va mourir. Regardez. Je suis là, en train de vous parler, gay, masha'Allah, vous êtes là, masha'Allah, en train d'écouter. Alors que personne ne sait, d'ici demain, ce sera le tour de qui? Il est fort possible que quelqu'un de nous meure demain. Laqadarallah, je dis laqadarallah. Mais, alhamdulillah, la grande ni'ma, c'est quoi? C'est que personne ne sait. Donc, ne sachant pas quand est-ce qu'on va mourir et où on va mourir, donc, conclusion, c'est quoi? On déduit que, donc, il faut toujours être prêt à mourir. Comme a dit Allah Ta'ala, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Et ne mourrez que musulman. إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Il faut que tu meurs musulman. Pour mourir musulman, il faut que du matin au soir, tu ne penses qu'à ta tombe et qu'à l'au-delà, et que tu es toujours prêt. Toujours. Si d'une minute à l'autre, l'ange de la mort va mourir, tu es là. Naam, car pendant toute ta vie, tu as été soumis à l'islam. Naam, soumis. Donc, alhamdoulilah, quand tu meurs, Allah subhanahu wa ta'ala est ravi de toi. Mais parlez-moi des gens qui n'ont jamais pensé à ce qui les attend demain. Les gens qui, lorsqu'ils voient l'ange de la mort venir, ils sont là, ils perdent leur cerveau. C'est trop tard. C'est trop tard. Allah Ta'ala dit, « لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا » Tu étais vraiment distrait de cela. Tu étais dans la grande insouciance. Insouciance. Naam. Tu n'as même pas pensé à ce jour. Tu n'as rien préparé pour ce jour. Comme ça, les gens laissent passer des mois, des jours, des mois, des années sans penser à demain, alors que beaucoup savent qu'il y a demain. Certains même sont convaincus qu'il y a demain, qu'il y a la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour se préparer, ils ne se préparent pas. Ils passent leur temps à jouer et à plaisanter, à faire des futilités, sans jamais préparer quelque chose pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. C'est comme si quelqu'un, ici, il court après l'argent, etc., pour le cacher dans la banque. Mais pour cacher quelque chose dans les banques de demain, il ne cache rien. La hawla wa la quwwata illa billah. L'Ali al-Azim, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide. Nous sommes vraiment en train de dormir. Naam. Nous dormons debout. Nous dormons debout. Nous laissons le temps passer. Chacun de nous, son shaitan lui dit, n'aie pas peur. Ce n'est pas toi qui va mourir. Naam. C'est ton frère et c'est l'autre et c'est le voisin et c'est X. C'est pas toi. Toi, masha'Allah, toi tu mourras vieux avec la canne et le dos courbé. Toi, tu mourras vieux, toi, naam. C'est l'autre qui va mourir, c'est pas toi. Et comme ça, pourtant, chaque jour, on voit quelqu'un mourir. Mais à chaque fois, le shaitan nous dit, c'est pas toi qui va mourir. Naam, c'est l'autre. Toi, tu es, mashallah, tu es préservé, toi. Tu es préservé. Naam. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, naam, il a dit, waraqat, waraqat, illa ya'lamuha. Tayyib. Naam, c'est là, inshallah. Tayyib, avant cela, il a dit, ma barri, une seconde, ta'ala, une seconde, il a dit, wa ya'lam. Ma fi al-barri wa al-bahr. Il connaît ce qu'il y a dans la terre ferme et la mer. Une seconde. Barri, est-ce que ça s'est affiché? Et il connaît ce qui est dans la terre ferme comme dans la mer. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme comme dans la mer. Barakallahu fikum. Naam. Le Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, hada ijmal, c'est une généralité et c'est une globalité. C'est-à-dire, il sait tout ce qu'il y a sur terre et dans la terre, comme il sait tout ce qu'il y a dans la mer. Ensuite, Cheikh Allah yarhamou a dit, faman yuhsi ajnasa ma fil barri. Quiconque, qui peut prétendre, par exemple, qu'il peut connaître toutes les sortes qu'il y a sur terre. Est-ce que quelqu'un de nous peut nous citer toutes les sortes d'animaux qu'il y a sur terre? Il peut. Pourra pas. Il y a des centaines et des milliers d'animaux qu'il n'a pas vus, qui sont en Amazonie et ailleurs. Des centaines d'oiseaux qu'il n'a pas vus. Des centaines et des milliers de sortes de fleurs qu'il n'a pas vues. Et comme ça. Naam. C'est pas la peine de parler des insectes. C'est pas la peine de parler des milliers de sortes d'insectes qu'on n'a pas vus. Alors ils existent avec nous, on les a pas vus. Naam. Alors il a dit, wal hasharat, les insectes, wal jibal, les montagnes, wal ashjar, les différentes sortes, quoi, d'arbres. Naam. Wal anhar, les ruisseaux, et des choses que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Ensuite il a dit, wal bahr, et la mer. كذلك فيه من العوالم ما لا يعلمه إلا خالق عز وجل. نعم, il a dit, dans la mer se trouvent des sortes de créatures que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. نعم, seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Et celui qui d'entre vous, surtout les hommes, ceux qui ont l'habitude d'aller à la mer et de rentrer, c'est-à-dire de plonger en mettant le masque, le tuba, etc., et de plonger et de voir qu'est-ce qu'il y a dans les fonds, ceux-là savent, yani, les choses merveilleuses, yani, les créatures qu'il y a dans la mer, des choses étonnantes, des choses, yani, à ne pas en revenir, des choses qu'on a vues seulement. Qu'est-ce qu'il y a au fond, des choses qu'on n'a pas vues? Je parle, yani, ceux qui ont l'habitude de rentrer à la mer, ou là, ceux qui voient par exemple des fois des documentaires à la télévision, des documentaires de ce qu'il y a, la beauté qu'il y a, les poissons qu'il y a, les différentes sortes, les différentes couleurs, etc., etc., savent que vraiment il y a un créateur qui dirige toutes ces choses-là. Non, il a dit, et pourtant, ils disent que in al-bahr yazidu 'ala al-barri 3 adhaf min al-ajnas. Il a dit, et pourtant, ils disent, c'est-à-dire les savants, etc., disent que ce qu'il y a dans la mer, les sortes qu'il y a, sont le triple de ce qu'il y a sur la terre. Non, vous savez, tout le monde sait que la quantité d'eau qu'il y a est le triple de la terre. C'est-à-dire, il y a quatre quarts, l'univers Adam. La terre et la mer, c'est quatre quarts. Trois quarts, c'est la mer. Un seul quart, c'est la terre. Donc nous sommes tous entourés, nous sommes un quart entourés par trois quarts d'eau. Et vous savez, c'est un délire aussi pour la fin du monde. Car Allah Ta'ala a dit, Wa'ida al-biharu sujirat. Il a dit aussi, Wa'ida al-biharu fujirat. Allah Ta'ala, quand il veut faire la fin du monde, c'est toutes les mers qui nous entourent qui vont quoi? Qui vont tomber sur nous et encore enflammées. Elles vont être enflammées et elles vont toutes yani, nous être sur nous, yani, comme on va être, yani, comment dirais-je, yani, nagreq, hein, nagreq, on va tous se noyer, nam, se noyer. Pour que la terre se noie, il faut que l'eau qui l'entoure soit beaucoup plus grande qu'elle. Hein, la quantité, il faut qu'elle soit plus grande que la chose qu'elle veut entourer. Nam. Ensuite, Allah Ta'ala a dit, وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Aucune feuille ne tombe sans qu'il n'en ait sa connaissance. Aucune feuille ne tombe sans qu'il n'en ait sa connaissance. Ça y est, une seconde, Inch'Allah Ta'ala, ici. Non. Une seconde. Je vais le mettre seulement en français, puisqu'en arabe, peut-être que vous n'avez pas l'arabe. Et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit consigné. Non. Yaqul, فأي ورقة في أي شجرة صغيرة أو كبيرة قريبة أو بعيدة تسقط فالله تعالى يعلمها. Le cheikh rahimahullah a dit, toute feuille, dans n'importe quel arbre, dans tout arbre, toute feuille, dans tout arbre, yani, petite ou grande, loin l'arbre, qu'il soit loin ou qu'il soit yani, près. Si la feuille, une de ces feuilles tombe, Allah subhanahu wa ta'ala savait avant de créer cet arbre, savait il y a 50 000 ans que, avant de créer l'univers, que tel jour, à telle heure, à telle minute, à telle seconde, dans tel arbre, dans tel pays, dans telle ville, une feuille allait tomber. Regardez, quand vous marchez dans la rue, vous voyez une feuille tomber, yani de l'arbre. Nous, on ne donne pas d'importance, on dit elle est tombée. C'est le vent qui l'a fait tomber. Certes, le vent c'est le sebeb, mais cette feuille ne pouvait pas tomber si Allah n'avait pas donné la permission pour qu'elle tombe. Quand elle tombe, c'est à peu près comme une personne qui meurt. Non, car la feuille qui est tombée, classe, elle a quitté sa mère. C'est comme le bébé qui tombe, classe, il est tombé, il va mourir. C'est pour ça que un jour ou deux jours, elle va devenir jaune et elle n'aura aucune importance. Mais cette feuille n'est pas tombée par hasard. Pourquoi cette feuille est tombée et celle qui est collée à elle, à droite ou à gauche, n'est pas tombée? Non, parce que c'était écrit que c'était cette feuille spécialement qui devait tomber. Il n'y a rien qui a, yani, qui marche par le hasard dans cet univers. Il n'y a rien qui marche par le hasard. Naam. كل شيء عند الله سبحانه وتعالى بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر. Toute chose a été écrite il y a 50 000 ans avant de créer les cieux et les terres. Naam. Ensuite, il a dit, نعم. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit consigné. نعم. Il n'y a aucune chose qui peut, يعني, échapper à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala et à sa connaissance. Aucune chose, c'est impossible, qui puisse échapper à quoi? À la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien à sa science. Naam. Toutes ces choses sont connues par Allah subhanahu wa ta'ala et écrites. Et elles ont été écrites sur la table préservée. Elles ont été écrites avant que ces choses ne se produisent. Elles étaient déjà écrites sur la table préservée. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, لأن الله تعالى لما خلق القلم parce que Allah سبحانه وتعالى lorsqu'il a créé la plume قال له اكتب il a dit à la plume écris قال القلم ماذا اكتب la plume a dit qu'est-ce que j'écris je ne sais pas qu'est-ce que je dois écrire Allah تعالى a dit اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة écris ce qui va exister jusqu'à la fin du monde ce qui va exister avoir lieu jusqu'à la fin du monde. Là, j'ouvre une petite parenthèse pour dire que les ulamas ont divergé sur qui est-ce qui a été créé en premier lieu. La plume ou bien l'arche. L'arche, c'est le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup disent la plume et beaucoup d'autres disent quoi? Disent l'arche, le trône. Naam. Certains disent la plume, comme Cheikh Al-Albani, et certains disent l'arche, comme Salah al-Sheikh Hafidahullah, et je crois aussi Sheikh Ibn Uthaymin Rahimahullah. Et ce qui m'a plu, même Sheikh Ibn Uthaymin a cité cette chose, c'est que ce qu'a dit Sheikh al-Islam Ibn Uthaymiyah, il a joint entre les deux avis. Comment qu'on peut joindre entre les deux avis? C'est simple. On dit, en ce qui concerne les choses de l'au-delà, la première chose qui a été créée, c'est le trône. Et en ce qui concerne les choses de cette vie, la première chose qui a été créée, c'est la plume. Car la plume fait partie des choses de cette vie. Et l'arche fait partie des choses de l'au-delà. Naam. Car dans le Bukhari, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y avait rien avec lui, et son trône était sur l'eau. C'est pour ça que certains aussi ont dit, l'eau était aussi avant le trône, certains ulama. Donc, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah a joué entre les deux. Il a dit, en ce qui concerne qui a été créé le premier, si on parle des choses de l'au-delà, c'est l'arche, le trône. Si on parle des choses de cette vie, c'est la plume. Naam. Pour joindre entre les deux avis. Naam. Ensuite, Naam. Allah Ta'ala, quand il a demandé à la plume d'écrire, elle a écrit tout ce qui allait avoir lieu. Subhanallah al-Azim. Thumma ja'ala subhanahu fi aidi al-mala'ikati kutuban taktubu ma ya'lamuhu al-insan. Ensuite, Allah Subhanahu wa Ta'ala a mis dans les mains des anges des livres ou des feuilles ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire des choses où on peut écrire, sur des feuilles ou là, sur lesquelles on peut écrire. Naam. Il a dit, « لِأَنَّ الَّذِي فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ قَدْ كُتِبَ فِيهِ مَا كَانَ يُرِدُ الْإِنسَانَ أَنْ يَفْعَلَ وَالْكِتَابَ الَّتِي تَكْتُبُهَا الْمَلَائِكَةُ هِيَ الَّتِي يُجْزَى عَلَيْهَا الْإِنسَانُ وَلِهَذَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ والصابرين. Une seconde, inshallah ta'ala, j'ai ce verset ici. Je cherche seulement où est-ce qu'il est. Naam. Une seconde, inshallah ta'ala. Naam. Voilà le verset. Voilà, nous blouwennakoum. Je vais vous le coller, inshallah ta'ala. Voyez, maintenant en français. Maintenant en français. Et c'est très important ce verset pour montrer une chose très importante. Naam. Taïe, vous me dites s'il y a les deux versets. Est-ce qu'il y a les deux versets? Wala nabloun. Taïe, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wala nabloounakum. Hatta na'laman mujahidina minkum sabirin. Nous vous éprouverons, certes, afin de distinguer ceux d'entre vous qui luttent pour la cause d'Allah et qui endurent. Naam. Certains kuffars et même certains musulmans ont certains problèmes avec certains versets du Coran. Par exemple, avec ce verset. Ils disent, Allah Ta'ala ici a dit, je vais vous tester, vous faire des épreuves, jusqu'à ce que je sache, hatta na'lama, jusqu'à ce qu'on sache, al-mujahidin minkum, yani ceux qui vont lutter, et jusqu'à ce qu'on sache aussi quoi, ceux qui vont endurer et les patients. Donc certains vont dire, donc est-ce que Allah Ta'ala ne savait pas avant le test et les épreuves? C'est pour ça qu'il nous a fait des épreuves, pour qu'il sache. Et bien sûr, un musulman ne dira pas cela. Yani, je ne dis pas un musulman. Il y a des musulmans qui disent cela. Mal-asaf. Un talibou ilm, bien sûr, ne va pas dire cette chose. Un talibou ilm et une talibatou ilm aussi ne vont pas dire ces choses. Ils savent que Allah subhanahu wa ta'ala, avant de créer les cieux, avant de créer l'univers, 50 000 ans avant, 50 000, imaginez, avait tout, inscrit. Naam, avait tout inscrit sur la table préservée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Il faut que vous sachiez que Allah subhanahu wa ta'ala qui sait tout ce qu'on va faire et tout ce qui va se passer ne veut pas nous donner des récompenses ou bien nous châtier d'après la science qu'il sait. Mais il veut que nous, on fasse des choses, il va nous tester, nous faire des épreuves. Pour que quoi? Pour que cette chose qui a été écrite dans la table préservée, qu'on allait la faire, qu'il savait qu'on allait la faire, soit quoi? Soit yani, visible pour tout le monde. Soit visible à toi, surtout à toi et aux gens. Quant à Allah, il la connaissait il y a 50 000 ans avant de nous créer. Donc, c'est pour que nous, yani, ça soit en même temps, pour qu'on n'ait plus d'excuses. On n'ait plus d'excuses. Donc la connaissance d'Allah, l'ilm d'Allah, se divise en deux. Ce qu'il savait, et ce ilm, il ne donne pas pour lui des récompenses, ni il fait rentrer quelqu'un en enfer. Ensuite, le deuxième ilm, le ilm, après qu'on fasse la chose. Après qu'on fasse la chose, là, on n'a plus d'excuses. Si c'est une bonne chose, c'est des récompenses et le paradis. Si c'est une mauvaise chose, c'est quoi? C'est les CIET et c'est peut-être l'enfer s'ils ne pardonnent pas. Non. J'ai dit une fois, et je le redis, c'est très important. Allah subhanahu wa ta'ala, sa science n'est pas comme notre science. Nous, on ne sait pas la chose jusqu'à ce qu'elle se passe. Non. Moi, demain, je dois passer le baccalauréat. Je suis le plus fort de la classe. Est-ce que c'est sûr? Je peux jurer que je vais avoir mon bac. Ce n'est pas sûr. Combien de personnes très fortes, dans toute l'année, la terminale, et quand elles arrivent au bac, khlas, la peur, le trac, etc., elles n'ont pas eu leur bac. Et combien de personnes faibles, tout le temps le dernier de la classe, tout le temps le dernier, et un mois avant, deux mois avant le bac, il a décidé de réviser, il a appris seulement deux ou trois leçons, et c'est tombé le sujet dans les deux ou trois leçons qu'il avait apprises. Subhanallah al-Azim, il a eu le bac. C'est très connu. Moi-même, j'ai un ami, on a un ami de la classe, on frappe de lui l'exemple. On dit, subhanallah, il a eu le bac. Il a passé le temps qu'il a passé dans la rue est beaucoup plus grand que qu'il a passé dans la classe. Il a eu le bac. Subhanallah al-Azim. Donc, je disais, personne ne peut savoir, je ne peux pas savoir si je vais avoir le bac ou là, qu'est-ce qui va se passer demain, jusqu'à ce qu'on me donne le résultat, jusqu'à ce que la chose se passe. Mais Allah Ta'ala, avant de nous créer, il savait tout ce qu'on allait faire à la seconde précise, tout ce qu'on allait faire avec tous les détails. S'il avait voulu Allah Ta'ala, il ne nous aurait pas fait descendre sur terre. Il nous aurait créé directement, comme lorsqu'il a caressé le dos de Adam, toutes les âmes sont sorties, il aurait pu dire directement, toi, au paradis, toi, en enfer. On va dire tous, ya Allah, pourquoi? Il dit, je sais ce que vous ne savez pas. Toi, si je t'avais fait descendre sur terre, je t'avais créé, tu n'aurais fait que le haram et les péchés et les vols, etc., etc. C'est pour ça que je te dis d'aller en enfer. Et toi, je t'ai dit d'aller au paradis, c'est pas piston. Je savais que tu allais passer ton temps aux prières, le hajj, le zakat, ceci, cela. C'est pour ça que je t'ai dit va au paradis. Alors, tous les autres auxquels il va dire rentrer en enfer, ils vont dire non. On regrette. Je regrette infiniment. Je me connais très bien. Et si tu m'avais fait descendre, j'aurais été le plus pieux des pieux. J'aurais été moi, l'imam de la ville. Moi, le grand imam, j'aurais été. J'aurais passé mon temps à la mosquée. Je ne vais pas à la maison. Je mange à la mosquée, je dors à la mosquée. Et je n'aurais fait que les choses que tu aimes. Je n'accepte pas que j'aille comme ça directement en enfer. Et comme Allah Ta'ala, il n'y a pas quelqu'un comme lui qui, comme je l'ai dit une fois, aime les excuses, alors il nous a fait descendre. Alors il nous a fait descendre et ici il a dit, nous vous éprouverons, certes, afin de distinguer, c'est-à-dire vous, vous allez distinguer ceux d'entre vous qui luttent pour la cause et qui endurent, et bien sûr, et les autres, c'est-à-dire le contraire, pour qu'il n'y ait plus d'excuses, pour que demain, maintenant que tu as vécu, maintenant que tu as bu de l'alcool, maintenant que tu n'as pas fait la prière, maintenant que tu t'es pas voilé, maintenant que tu as fait l'adultère, lasse. Comme a dit Allah Ta'ala, l'insan ala nafsihi la basira. Donc maintenant, toi-même, en ton fort intérieur, tu reconnais. Subhanallah, tu sais que tu as fait des fautes et tu reconnais. Donc, tu n'as plus d'excuses. Bien sûr, entre parenthèses, il y a le repentir. Mais je parle que Allah Ta'ala, yani, n'aime pas que quelqu'un ait raison sur lui. N'aime pas que Yawm al-Qiyamah quelqu'un va avoir raison sur Allah. C'est impossible. C'est pour ça qu'il t'a fait descendre sur terre. Il t'a dit, vis ce que tu vas vivre. Et à la fin, je te dirai, lis ton livre, c'est tout. Lis ton livre, tu verras ce que tu as fait. Moi, si je t'avais dit d'emblée, directement de rentrer en enfer, par exemple, tu n'aurais pas accepté. Alors maintenant que tu as vécu tes 70 ans, par exemple, parle-moi un peu et montre dans le livre ce que tu as fait. Naam. Et la personne, bien sûr, n'aura aucune excuse. Et c'est impossible qu'elle ait une excuse. Naam. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Naam. Il a dit, وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه une seconde inshallah ta'ala je cherche où est le verset là وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه طيب je vais essayer si je peux en même temps français et arabe je vais essayer cette chose non وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ Nulle femelle ne porte ni ne met bas sans qu'il le sache. Nam. Il est impossible. Nam. Il est impossible qu'une personne ou qu'un animal, par exemple, soit enceinte sans que Allah subhanahu wa ta'ala non seulement savait cela, mais encore, c'est lui qui a voulu qu'elle soit enceinte. Et c'est lui qui a choisi l'heure, le moment où elle va tomber enceinte, et choisi, elle sera enceinte de quoi? De quoi? De sexe masculin, de sexe féminin, de jumeaux, de jumelles, de triplés, de quadruplés, de quintuplés. Ça dépend, sextuplés, ça dépend. C'est lui, naam. Donc, il est impossible, par exemple, qu'une femme ou qu'une vache ou là, soit enceinte, elle a un bébé dans son ventre, et que Allah subhanahu wa ta'ala ne sache pas cela. Ça, c'est impossible. Non. Et vous, la différence entre, par exemple, la femme qui sait qu'elle est enceinte et le mari ou la qui sait qu'elle est enceinte, et la différence entre la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'Allah ta'ala savait, il y a des milliards d'années, que elle allait tomber enceinte, par exemple, ce jour-là. Alors que la femme ne saura que après que, yani, elle sait, par exemple, qu'elle n'a plus les menstrues, etc. Elle dit alors, je suis enceinte. Non, je disais, il a dit ici, non. Et lorsqu'il a dit femelle, il a dit nulle femelle ne porte ni ne met bas sans qu'il le sache. Femelle, les ulamas ont dit, ce n'est pas seulement femelle, c'est-à-dire femme, mais sexe féminin. Sexe féminin. C'est-à-dire, ça rentre dans cela, par exemple, la vache, ça rentre la chamelle, ça rentre la brebis, et toutes les femelles, toutes les femelles. Toutes les femelles qui ont dans le ventre quelque chose, Allah subhanahu wa ta'ala le savait. Et ça rentre aussi les animaux qui ont dans leur ventre des œufs. Des œufs. On appelle ça, on dit, cet animal, par exemple, on dit il est ovipare. Ovipare, ça veut dire qu'il a quoi? Il a des œufs. Non. Cette, comme par exemple les oiseaux. Comme les oiseaux, ils ont des œufs. Comme par exemple les crocodiles. Les crocodiles aussi, en quoi? Ont des œufs. Non. Il a dit aussi, وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ. Et cette femelle ne met pas bas, c'est-à-dire n'accouche pas, sans que Allah Ta'ala ne le sache. Moi je dis mieux, yani, plus que cela, je dis, elle n'accouche pas aussi, sans que Allah Subhanahu wa Ta'ala ne donne la permission et ne le veuille. Ne donne la permission et ne le veuille. C'est pour ça que, même le médecin, si elle, il dit cette femme va accoucher demain, il est possible qu'elle n'accouche pas demain, qu'elle accouche aujourd'hui. Et il est possible qu'elle accouche dans une semaine, pas demain. Non. C'est exactement lorsque Allah subhanahu wa ta'ala donne la permission à la seconde, yani, pour que ce bébé, bi'idhnillahi ta'ala, sorte. Non. Non. Ensuite, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit wafi anfusikum, afala tubsirun. Il a dit wafi anfusikum. Yani, si, subhanallah, si on se regardait seulement en soi, sans parler des créatures, sans parler des cieux et de la terre, sans, on se regardait en soi, yani, c'est un grand, grand signe de l'existence de Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, seulement quand je regarde la femme, yani, subhanallah l'adim, comment Allah subhanahu wa ta'ala l'a créée, yani, comment regarder, elle est une personne comme nous, qui mange comme nous, qui boit, qui marche, etc. Et subhanallah l'adim, elle peut garder quelqu'un dans son ventre jusqu'à 9 mois. Subhanallah l'adim. Une usine, l'usine, qu'est-ce qu'elle fabrique? Les voitures, etc. Et celle-là, subhanallah l'adim, elle garde le bébé 9 mois. Il est vivant, en train de bouger à l'intérieur. Mais dit, subhanallah l'adim, c'est vraiment... Seulement si on regardait cette chose, yani seulement la femme, plus yani ce qu'elle a, yani chaque mois, les monstres, la grossesse, ceci, cela, yani, en plus, subhanallah l'adim, comme en plus, elle est en même temps une source, yani une source de plaisir pour son épouse, subhanallah l'adim, une source de plaisir pour le bébé, subhanallah l'adim, avec sa poitrine, yani elle donne au bébé ce qu'avec tout l'or du monde, il ne pourrait pas avoir. Avec le côté haut, avec l'autre côté, elle fait yani, de son mari, elle fait ravir son époux. Yani, comme Allah subhanahu wa ta'ala a créé la femme, elle fait toutes ces choses à la fois. C'est ajib, Allah, c'est ajib, le qudrat Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ajib. Non. C'est pour ça que moi, je salue les femmes. Hein. Je dis, mashallah, yani, comment qu'elles souffrent, comment qu'elles. Yani, c'est pour ça que la femme. Yani va au paradis beaucoup plus vite que l'homme, comme a dit le hadith, si elle fait seulement les 4 ou 5 choses. Pourquoi? Parce que elle souffre beaucoup. Naam, parce qu'elle souffre beaucoup. Naam, elle souffre beaucoup. C'est pour ça que yani Allah subhanahu wa ta'ala, en revanche, lui a facilité la rentrée du paradis si seulement elle faisait 4 ou 5 choses. Mais yani, malheureusement, beaucoup de femmes ne font même pas ces 4 ou 5 choses. C'est pour ça que dans le hadith sahih que yani, il y aura beaucoup plus de femmes dans l'enfer que, yani, qu'au paradis, que les hommes. Yani, les femmes en enfer seront beaucoup plus nombreuses que les hommes. Ensuite, il va parler de quelque chose de très important. Il va parler du rizq. Les biens et comment Allah Ta'ala nous donne les biens et quelles sont les causes et les sababs qu'on doit faire pour avoir les biens que Allah Subhanahu wa Ta'ala donne, etc. On laisse toutes ces choses, Inch'Allah Ta'ala, à quoi? Au prochain dars, bi'idhnillahi azza wa jalla, je vais écrire où on s'est arrêté bi'idhna ta'ala pour ne pas oublier la prochaine fois. Une seconde, inshallah ta'ala. Inshallah ta'ala, ici. Non. Tayyib, Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui pour les questions, je répondrai Inch'Allah ta'ala aux questions dans 10 minutes. Aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, qu'est-ce que je vais dire? Non. Je répondrai seulement à ceux et à celles yani, qui lèvent les mains. Non, seulement à ceux et à celles qui lèvent les mains. Vous n'enverrez pas de questions. Vous n'enverrez pas de questions à ceux qui n'ont pas le point rouge. Vous n'enverrez pas de questions à ceux qui n'ont pas de point rouge. Je répondrai seulement à ceux et à celles qui lèvent la main. Et ensuite, je laisserai pour Omar Abdullah et Talib Etouim, je laisserai seulement yani, pour celles et ceux qui veulent rester dans l'anonymat. Dans l'anonymat, ils envoient Talib Etouim et à Omar Abdullah. Seulement dans l'anonymat, et seulement yani, 3 ou 4 questions chacune. Naam, Omar Abdullah, quand tu reçois 3 questions, et toi Talib Etouim, quand tu reçois 3 questions, ensuite vous fermez vos PV. Jusqu'à ce que, Inch'Allah ta'ala, je vous donne la permission de poser vos questions. Et bien sûr, vos questions, on commence toujours par ce qui a rapport avec le dars, Inch'Allah. On commence avec ce qui a rapport avec le dars. Subhanak lahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Tayyib, Abdullah ou bien Talib Etouim, si vous m'entendez, écrivez numéro 1. Tayyib, est-ce que l'une de vous peut mettre le Coran? Est-ce que l'une de vous peut mettre le Coran? Tayyib, Abdullah n'a pas le Coran. Talib Etouim n'a pas le Coran. Khalas, ma fiche mouchkil, Inch'Allah. Ma fiche mouchkil. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. On commence, Inch'Allah ta'ala, par Hilal 1406. D'abord, est-ce qu'il y a le son? Est-ce qu'il y a le son, Inch'Allah ta'ala? Est-ce que vous m'entendez? Naam. Tayyib. Abdullah et l'autre, c'est qui? Talib Etouim. Abdullah et Talib Etouim, j'ai dit, on vous envoie seulement les questions pour l'anonymat. L'anonymat et les choses les sœurs qui veulent rester anonymes. Donc, je ne vois pas pourquoi elles veulent rester anonymes dans la aqidah. Donc, il faut que ça soit une chose dans le fiqh, ou là, dans la aqidah, je ne vois pas pourquoi on va rester anonyme. C'est pour ça que vous restez donc, Inch'Allah ta'ala, jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on termine avec la aqidah. Si vous avez des questions dans la aqidah, ce n'est pas la peine de les tenir, hein, parce que je vous ai laissé seulement pour les choses anonymes. Et l'anonymat, il n'y a pas dans la aqidah. Hilal 1406, tafadhali. Chacun, Inch'Allah ta'ala, une question ou la deux, pas plus. Pour laisser le temps, Inch'Allah ta'ala, aux frères et aux sœurs de poser leurs questions. Jazakumullahu khayran. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Qui sont Ya'juj et Ma'juj? Je sais que c'est un peuple, mais quelles sont leurs caractéristiques? Est-ce que dans la suite de vos cours, il y aura des cours concernant le paradis? Inch'Allah ta'ala. Naam, dans les cours qui vont venir, Inch'Allah ta'ala, on va parler du paradis avec beaucoup de détails et de l'enfer aussi, et aussi des dix grands signes. Et là-bas, Inch'Allah ta'ala, on parlera de Ya'juj et Ma'juj. Ce sont des fils de Adam aussi, mais là-bas on parlera d'eux, Inch'Allah ta'ala, avec beaucoup de détails, et comment que yani, ils vont manger l'akhar, ils vont boire toute l'eau qu'il y a, ils vont manger tout ce qu'il y a sur terre, etc. On le laissera, Inch'Allah ta'ala, en son temps venu, bi'idnillahi ta'ala. Hilal, as-tu une autre question, Inch'Allah ta'ala? As-tu une autre question, bi'idnillahi ta'ala? Si oui, écris numéro 1. Fiki barakallah. Abdelhaq, tafadhali. Parce que la fois passée, vraiment, je me suis fatigué. Je me suis fatigué en disant, toi, prépare-toi, toi, pose ta question, toi, après X, après cela. Vraiment, yani, ça m'a fatigué. Oum Abdelhaq, tafadhali. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Il n'a pas été affiché. Oum Abdelhaq, il n'a pas été affiché. Je ne l'ai pas reçu. Et c'est, Inch'Allah ta'ala, de le diviser. Et c'est Inch'Allah ta'ala de le diviser. Naam. Inch'Allah ta'ala, pas de problème. Après qui? Après Makan 11. Inch'Allah ta'ala. Naam. Ali Batouin, tu as écrit numéro 2. Est-ce que le son n'est pas bien? Al-Qalam, marhaban bik, tafadhal. Alhamdulillah. Al-Qalam, tafadhal, marhaban bik. Assalamu alaikum. Walaykoum salam, barakallahu fikoum barakallah. Des fois, lorsque je rapporte les réponses des savants, je trouve par exemple qu'il y a divergence, disons, entre Ibn Taymiyyah et son élève Ibn Qayyim. Ou des fois, je trouve la divergence entre Ibn Baz et Ibn Uthaymin ou l'Albani. Est-ce que je rapporte la réponse par rapport à ce que je suis convaincu ou je rapporte la divergence? Naam. Quand tu dis quelque chose, tu rapportes d'abord que les ulamas ont divergé sur cette chose. Si tu connais leurs avis, tu dis. Par exemple, celui-là, c'est l'avis de Ibn Uthaymin, l'Ayahmo. Celui-là, c'est l'avis de l'Albani, par exemple, l'Ayahmo. Et ensuite, tu dis la chose qui te paraît que c'est la plus juste et la plus près du Coran et du Sunna. Naam. Car dans toutes les choses, ils ont divergé. Et tu dis la chose que, yani, comme on dit en arabe, تَدِينُ اللَّهَ تَعَلَى بِهَا يَعْلِي. Naam. Tu dis, voilà, et moi, je suis de l'avis qui dit cette chose. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de suivre mon avis. Moi, quand j'ai comparé entre les délits, etc., mon cœur a penché vers cet avis vu le délit X et le délit Y. Naam. Mais personne n'est obligé, bien sûr, de suivre ton avis, bi-idhnillahi azza wa jal. Naam. Dialo 36, tafadhal. Tayyib, fais saut. Tayyib, Dialo, je crois qu'il n'est pas avec nous. Naam. Dialo, est-ce que tu es avec nous, Inch'Allah? Tafadhal. On t'attend, Inch'Allah ta'ala, tafadhal. Khair, Inch'Allah. La sœur Oum Abdelhaq est prête pour sa question. D'accord. Alors on commence par Oum Abdelhaq. Tafadhali. Alors dialogue, Inch'Allah. Khair, Inch'Allah. Prends ton temps. Le temps que la sœur Oum Abdelhaq pose sa question. Assalamu alaikum. Alaikum salam. J'ai des confusions concernant la tombe et le jour dernier. D'après le hadith qui explique ce que devient l'âme après la mort, quand l'âme monte au ciel, redescend, dit à l'homme, portant de beaux habits, qui es-tu? Et celui-ci répond, je suis. Et bonnes actions. Ensuite, la personne voit sa tombe s'élargir et demande Allah Azza wa Jal date et l'heure. Est-ce que cette personne peut subir un châtiment dans la tombe ou même un passage en enfer, Yom al-Qiyama, avant de finir au paradis éternellement? Ou alors le hadith montre qu'elle ne goûtera à aucun châtiment et c'est pour cela qu'elle est rassurée. Allah Ta'ala alam. Naam. Cette personne qui va voir une personne avec de très beaux habits venir et à laquelle on va lui dire regarde d'abord bien sûr en enfer, ensuite lui dit Alhamdoulilah, regarde Allah Ta'ala t'a épargné l'enfer, regarde maintenant où est-ce que tu vas aller au paradis, etc. C'est une personne qui a été épargnée de quoi? De la tombe, yani du châtiment de la tombe. Naam. Car on ne dira cette chose qu'à la personne pour la rassurer. Il n'y a rien, Inch'Allah Ta'ala, dans la tombe. Naam. C'est pour ça que si on joignait tous les hadiths qui parlent de ce qu'il y a dans la tombe, etc., et spécialement de l'âme, où est-ce qu'elle est, etc., on ne pouvait pas, comment dire, comme a dit Cheikh Issam Taymiyyah, il a dit, en ce qui concerne l'âme, plus spécialement l'âme, c'est difficile de maîtriser les choses à 100%. Mais on dit que l'âme, des fois elle est dans la tombe, des fois elle monte, des fois elle est rattachée au corps, des fois elle est loin de lui, et comme ça. Elle monte et elle descend. C'est pour ça qu'il y a des hadiths qu'elle est en haut, il y a des hadiths qu'elle est en bas. Naam. Mais c'est comme tu as dit toi, c'est comme tu as dit à la fin, que quand la personne, elle voit dans la tombe une personne avec de beaux habits, etc., c'est que cette personne a été épargnée de quoi? Du châtiment de la tombe. Mais il est possible qu'une personne, je réponds à la fin de ta question, il est possible qu'une personne soit châtiée dans la tombe et que le jour du jugement dernier, elle va aller au paradis sans passer par l'enfer. Car elle aura expié tous ses péchés ici dans la tombe. Naam. Donc, il est possible qu'une personne, elle soit châtiée d'abord dans la tombe, ensuite, classe. Yani, le jour du jugement dernier, elle ira, Inch'Allah Ta'ala, au paradis. Est-ce que cela veut dire que le croyant qui subira le châtiment de la tombe verra l'homme au mauvais habit? Est-ce que cela veut dire que le croyant qui subira le châtiment de la tombe voira, verra l'homme au mauvais habit? Car le hadith parle de lui en disant l'incroyant. Naam. Je crois que ce hadith, c'est pour le kafir. Naam. Et, car dans d'autres versets, c'est écrit, dans d'autres versions, le fajr, c'est écrit le fajr, le pervers. C'est écrit le pervers. Car il est impossible, naam, qu'un pervers, vous savez qui c'est le pervers, hein? Il est toujours musulman, mais il buvait de l'alcool, il faisait de la haram, il volait ceci, cela, il faisait tous les grands péchés. Il est impossible que celui-là, il voit l'homme aux beaux habits. Malgré qu'il n'est pas kafir, mais il verra l'homme aux mauvais habits. Pourquoi? Parce que les habits, ce sont les actions. S'il avait fait de belles actions, un homme beau, avec de beaux habits, ce sont des mauvaises actions, un homme quoi? Un homme très, très moche, etc., avec de très mauvais habits. Mais il est possible, je dis que, après un certain nombre d'années, ou je ne sais pas combien de temps, que ses fautes soient expiées. Que ses fautes soient expiées. Naam. Mais c'est très difficile à expliquer. Wallahu subhanahu wa ta'ala, a'lam. Naam. Ce sont des choses, yani, qui sont difficiles à expliquer, parce que c'est des choses de l'au-delà. Naam. Voyez, dialogue pour ces questions. Les frères qui veulent poser des questions restant anonymes, à qui doivent-ils s'adresser? Naam, ils s'adressent à Al-Qalam. Al-Qalam, qui est là, qui n'a pas le point rouge. Al-Qalam, quand tu veux partir, Inch'Allah Ta'ala, tu me dis pour que je mette un autre à ta place. Diallo, donne tes questions. Naam, donne tes questions à Wasmo, Al-Qalam. Donne tes questions à Al-Qalam, Inch'Allah Ta'ala, qui va me les poser, Inch'Allah Ta'ala. Tayyib, khalas. Ne les donne pas à Al-Qalam. Attends une seconde. Ne les donne pas à Al-Qalam. Naam. Tayyib, Abu Aisha, tafadlal. Abu Aisha, pose tes questions. Attends un peu, Diallo. Attends un peu. Tayyib, où est-ce qu'il est, Diallo, maintenant? Naam. Voilà, je t'ai ouvert le PV. Pose-moi ta question ici sur le PV, Diallo. Pose-moi les questions sur le PV. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Cheikh, est-il possible que le destin d'une personne puisse changer avec une œuvre pieuse alors qu'il était écrit autre? Et est-il permis d'appeler son enfant Imran ou Amjad? Barakallahu fik. Naam. Al-Qalam, il n'y a pas de problème, Inch'Allah Ta'ala. Naam, il n'y a pas de problème. La baisse tahour, Inch'Allah. La baisse tahour, Inch'Allah Ta'ala. Est-ce qu'il est possible que le destin d'une personne puisse changer avec une œuvre pieuse alors qu'il était écrit autre? Regarde. Ce que Allah Ta'ala a écrit, naam, ce que Allah Ta'ala a écrit, il y a ce qu'il a écrit, il y a ce qu'il a écrit dans la table préservée qui ne change jamais. Ça ne change jamais. Et il y a ce qui est écrit dans les livres des anges. Ce qui est écrit dans les livres des anges peut changer. Naam. C'est pour ça qu'une une œuvre pieuse peut changer le destin, mais encore, le doua. Un doua peut changer le destin. Pourquoi? Parce que le fait que tu allais faire le doua était lui aussi écrit. Allah Ta'ala, quand il t'a créé, il savait que tu allais faire un doua ou une œuvre pieuse qui allait changer la chose. C'est comme par exemple, c'est al-Rahim, le fait d'aller chez les proches, etc. Il a dit, ça ajoute dans l'âge. Donc Allah Ta'ala allait écrire, par exemple, tu allais vivre 60 ans. Ensuite, puisqu'il savait que tu allais chez tes proches, a écrit 70 au lieu de 60. Donc toi, en allant chez tes proches, tu as fait changer quelque chose. Mais le fait d'aller, c'était aussi écrit chez Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, c'est comme ça que disent Al-Sunnah ou Al-Jama'a. Est-il permis d'appeler son enfant Imran? Je ne sais pas. Et je ne crois pas que ça soit interdit. Je ne sais pas. Et je ne crois pas que ça soit interdit. Mais j'ai lu que c'était interdit d'appeler par exemple, c'était makruh d'appeler par les noms des anges, les anges Jibril, Mikaël, et comme ça. Naam. Et Amjad. Amjad, je ne sais pas que ça veut dire, je sais que beaucoup d'Égyptiens appellent Amjad, beaucoup d'Égyptiens. Je n'ai pas entendu jusqu'à nos jours que c'est interdit. D'ailleurs, je ne sais pas que ça veut dire le sens. Si ça comporte une tazkiya, c'est interdit. Amjad. Si ça comporte une tazkiya, c'est interdit. Mais je ne sais pas que ça veut dire Amjad. Naam. Inch'Allah ta'ala, je chercherai d'abord, je chercherai Inch'Allah ta'ala avant de te rendre Inch'Allah ta'ala la réponse. Naam. Tayyib. Voilà ce qu'a dit Diallo. Naam. Voilà ce qu'a dit Diallo, il a dit aussi autre chose. Cheikh. Quel conseil pouvez-vous donner à nos prêcheurs qui disent toujours qu'il faut finir d'abord avec le sida, la pauvreté et la faim, d'abord, alors qu'ils ne parlent pas assez de tawhid, qu'ils ne parlent pas beaucoup de shirk. Cheikh, en Afrique, les médias ont tellement médialisé ces choses, c'est rentré dans le cercle religieux. Quel est le jugement de celui qui dit que la terre tourne? Naam. En ce qui concerne les prêcheurs qui disent ces choses-là, non. Normalement, quand on parle de ces choses-là, bon, avant cela, est-ce qu'il y a saut? Est-ce qu'il y a le saut? Non. Quand on parle de choses-là, ce n'est pas interdit, mais il ne faut pas que ça soit au détriment du tawhid et du shirk aussi, non. Et puis, autre chose, quand on parle de ces choses-là, on doit toujours faire un lien entre ces choses et l'islam. Par exemple, on veut parler du sida, on ramène le hadith qui dit que j'ai cité tout à l'heure, que si les gens vont faire l'adultère devant tous les gens, etc., sans se cacher, Allah Ta'ala va leur donner les maladies les plus graves. Et là, on va citer par exemple le sida. Et comme ça, on fait peur aux gens. On ne dit pas que le sida, c'est venu parce que X a contaminé Y. Ça ne suffit pas. Il faut dire que c'est venu parce que les gens ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens n'ont pas voulu suivre le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il est très malheureux lorsqu'on entend des gens à la télévision, etc., dire que les tremblements de terre, etc., que ce sont des choses de la nature. Naam, kawarith tabi'iyya. C'est la nature. C'est pas parce qu'on a désobéi à Allah, c'est pas parce qu'Allah ta'ala veut nous faire peur. C'est pas parce que Allah Ta'ala veut nous châtier. C'est la nature qui a fait comme ça. Et d'ailleurs, ça va s'arrêter, ce tremblement de terre. Dans un quart d'heure, Inch'Allah Ta'ala, il va s'arrêter. Naam. Subhanallah al-Azim. La hawla wa la quwwata illa billah al-Ali al-Azim. Naam. L'Amjad, c'est le plus glorieux, le plus noble. Naam. J'avais des doutes de cela. Naam. J'avais des doutes. Je me suis dit, Amjad. Naam. Je me dis, yani, c'est superlatif. C'est plus glorieux, plus noble. Si c'est comme ça, ce n'est pas permis d'appeler quelqu'un. Non, ça rentre dans la tazkiyya. Amjad. Yani, celui-là, cette personne, c'est masha'Allah, la plus glorieuse et la plus noble. Non. Barakallahu fikum. Donc, je disais, ces prêcheurs, bien sûr, ne sont pas salafis, ne parlent pas de tawhid, etc. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, Allah yahdihum. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide. On entend, par malheur, mal asif, des fois on assiste à certains imams qui peuvent parler une demi-heure sur le minbar ou bien une heure sans jamais citer un verset ou un hadith. Mal asif, naam. Ils parlent des choses vides, vides, vides, vides, vides. Yani, c'est comme si c'était le journal télévisé. Le journal télévisé sur le minbar. Il va te parler de tel pays, combien qu'il a de population, c'est qui le président, c'est subhanallah al-azim. À quoi ça me sert que tu me dises tout cela? Moi, je suis venu pour que tu me montres des choses qui me rapprochent d'Allah. Pour que tu me montres des choses qu'il faut faire pour que Allah soit ravi de moi. Moi, je suis venu ici, je suis malade, j'ai mon cœur qui est malade. Je voudrais guérir bi-idhnillah en entendant les versets et en entendant les hadiths sahih. Comme yani, beaucoup, beaucoup de prêcheurs ne citent que des hadiths qui sont faibles, des hadiths qui sont fabriqués et forgés. Allah subhanahu wa ta'ala n'yahdihom ou n'yahdiyana. Quant à quel est le jugement de celui qui dit que la terre tourne? Naam. Si quelqu'un a lu et a prouvé que la terre tournait et que il a vu que ça ne se contredisait pas avec le verset ou avec le Coran, alors qu'il dit que la terre tourne. Et ceux qui ont dit que la terre tourne, ce sont ceux qui se sont basés sur le verset Yukawiru Layla al-Nahar. Ils ont dit Yukawir. Donc, c'est un délire que la terre elle-même est ronde, ou plus ou moins ronde, yani, comme un melon, plus ou moins ronde. Donc, celui qui dit que la terre tourne, si c'est basé sur des choses scientifiques qui ne contredisent ni le Coran ni le Sunna, il n'a pas dit quelque chose de blâmable. Il n'a pas dit quelque chose de blâmable. Et je crois que l'avis le plus juste, Wallahu alam, ce dont je suis moi-même, yani, convaincu, c'est que la terre tourne. C'est que la terre tourne sur elle-même et autour de quoi? Du soleil. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Naam. Abu Ahmed Tafazal. Cheikh, il y a beaucoup de cheikhs chez nous. Les gens qui parlent de ça, ils ont étudié en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, ça dépend de quel côté il a étudié. S'il a étudié dans la sharia, etc., sûrement qu'il parlera beaucoup de shirk, etc. Maintenant, s'il a étudié en Arabie Saoudite, dans des écoles qui ne sont pas salafistes, Allahu Ta'ala a'lam. Naam. Abu Ahmed, Guten Abend, Ya Cheikh Alaykum Salam, wa barakatuh. Jazakallahu khairan. Certaines personnes ont parfois l'impression, quand ils vivent une action, de l'avoir déjà vécue en rêve, par exemple. Est-ce possible? Certaines personnes ont parfois l'impression, Naam. Il faut bien méditer de la question à aller, ont parfois l'impression, quand il y a eu une action, de l'avoir déjà vécu en rêve, par exemple. Est-ce possible? Naam. Naam, ce que tu dis est vrai. Ce que tu dis est vrai. Des fois, on fait une chose, et ensuite, on s'arrête comme ça, on commence à méditer. On dit, subhanallah, c'est comme si j'ai vu cette chose dans le rêve. Et en effet, il va s'asseoir un peu et penser, il va dire, ça fait deux ou trois jours, j'ai rêvé de cette chose. Naam. Car les rêves, les songes, des fois, ils sont ancrés, restent ancrés dans le cœur, et des fois, on les oublie. Et des fois, on fait des choses qui nous rappellent qu'on a rêvé cette chose. Si on n'avait pas fait cette chose, on ne se serait pas rappelé qu'on a rêvé cette chose. Naam. Donc là, ça arrive, et moi, personnellement, ça m'est arrivé plusieurs fois. Autre chose, Abu Ahmed, autre chose, est-ce que tu es là? Écrit numéro 1, est-ce que tu es là? Taïb, jazakallahu khairan. L'autre fois, je voulais te parler d'un hadith. Ça, je ne l'avais pas devant mes yeux. Je t'avais dit que Cheikh Al-Albani avait dit c'est un hadith sahih. Naam, c'est un hadith sahih. Alhamdoulilah, tu te rappelles. Je te donne ce qui a rapport avec le dars. Regarde ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith, je t'avais dit que l'Albani avait dit sahiha. Maintenant, je te confirme, il se trouve dans Silsila Sahiha, tome 6, page 604, numéro 2758. Je vais t'écrire seulement le numéro 2758. Silsila Sahiha. Naam. Qu'a dit ce hadith? Regarde ce qu'il a dit. Ida qubidat nafsul abdi, talqaha ahlul rahmati min ibadillah. Il a dit, lorsque l'âme du serviteur, yani lorsque l'ange de la mort prend l'âme du serviteur, il a dit, talqaha ahlur rahma. Subhanallah azim. Les gens qui sont morts avant cette personne se divisent en deux groupes. Il y a ceux de l'enfer et il y a ceux du paradis. Ceux du paradis seulement ceux-là vont rencontrer cette nouvelle âme qui vient de mourir. Ils vont la rencontrer. Il a dit, comme vous rencontrez quelqu'un qui était absent, qui est revenu du voyage. Quelqu'un qui vient du voyage, on voit toute sa famille qui l'entoure, tout le monde veut l'embrasser, etc. C'est la même chose, ce que font les âmes du paradis avec chaque personne qui vient de mourir. Chaque personne qui vient juste de mourir. Ensuite, il a dit, فَيُقْبِلُونَ عَلَيْهِ لِيَسْأَلُوهُ. Donc, ils vont l'entourer est allé vers lui pour lui demander. Fayaqulu ba'dhum. Certaines âmes vont lui dire: "Unduru akhakum hatta yastarih fa innahu kana fi karb." Certaines âmes vont dire à d'autres: attendez un peu votre frère, attendez un peu votre frère. Il vient juste de se reposer. Il était dans beaucoup de problèmes. Il était il était en train de, ça fait seulement quelques temps, l'ange de la mort était en train de lui faire sortir, de prendre son âme avec les autres qui l'aident, bien sûr. Donc, c'est pas quelque chose de facile. Laissez-le au moins un peu se reposer. Il a dit, فَيُقْبِلُونَ عَلَيْهِ فَيْسْأَلُونَ. Ensuite, ils vont commencer à lui poser des questions. مَا فَعَلَ فُولَان. Qu'a fait X? Qu'a fait X des gens? نعم. مَا فَعَلَتْ فُولَانَ. Qu'a fait Y des femmes? Qu'est-ce qu'elle a fait? Où est-ce qu'elle est arrivée, etc. هَلْ تَزُوَّجَتْ. هَلْ تَزُوَّجَتْ. Est-ce qu'elle s'est mariée? Subhanallah al-Azim, je vous ai dit. Même le mariage, on demande. Est-ce qu'elle s'est mariée? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mariage pour une femme, c'est quelque chose de très important, subhanallah al-Azim. Est-ce qu'elle s'est mariée? C'est pour ça que ça fait pas longtemps, subhanallah al-Azim. Ça fait seulement peut-être 15 ou 20 jours. Un frère m'a montré, il m'a dit, regarde, dans une chaîne de l'Arabie Saoudite, dans cette chaîne, ce sont les femmes qui, les femmes et les hommes aussi, et celui qui veut se marier, il pose comme information, par exemple, j'ai 30 ans, j'habite tel endroit, je cherche une femme de tel âge. Il m'a dit, il y avait une femme de 94 ans. Allahu Akbar, 94 ans. C'est pas 49 ans. 94 ans, qui ne s'est jamais mariée, bien sûr, et qui cherchait un mari. Naam, 94 ans, habite en Arabie Saoudite, je cherche un mari, etc. J'ai dit à mon ami, je lui ai dit, subhanallah, elle a dû être complexée toute sa vie, miskina, le fait de ne jamais se marier, et elle a encore l'espoir de se marier, mashallah, tellement je disais, le mariage, c'est une chose, très importante pour la femme. Non, pour l'homme aussi, bien sûr. Donc, pour mes sœurs, qui n'ont pas encore 94 ans, inshallah ta'ala, vous êtes encore jeune, bi'idna azza wa jal. Donc, on lui demande, est-ce que X s'est marié? Ensuite, il a dit dans le hadith, bien sûr, jusqu'à ce que ses hommes vont lui demander, et X, qu'en est-il de lui, qu'en est-il de X? Quand on va lui citer quelqu'un qui connaît, il va dire, subhanallah, il est mort avant moi. Comment se fait-il? Vous ne l'avez pas rencontré? Les autres vont dire, donc, il a été chez sa mère, Al-Hawiya, donc, il est allé directement en enfer. Il n'est pas passé par nous. Naam. Voilà le hadith, comme je t'ai dit, Abu Ahmed. Naam. Abu Maryam, tafadhal. Allah yajazik khair. Assalamu alaikum. Alaikum salam. S'il vous plaît, est-il vrai qu'il y a une différence entre entendre et écouter la musique? Je suis allé à une aqiqa avec des frères, mais celui qui nous a invités n'est pas un salafi. Il y avait dhikr. Je crois que la question n'est pas terminée. Tfadhal Abu Maryam, continue ou bien écris numéro 1. Si c'est terminé, écris numéro 1. Abu Maryam, est-ce que tu es là? Naam. Ça, j'ai dit aux frères qu'on devait quitter. Naam, j'ai compris ce que tu veux dire et ce que les frères t'ont dit. En principe, d'emblée, avant d'aller à un mariage, on demande, pardon, est-ce que vous allez mettre la musique, est-ce que c'est mixte, cela. Quand on sait qu'il y a le haram, on leur dit, vous m'excusez, mais je n'assiste pas. Non, vous m'excusez, si vous voulez, on se verra un autre jour. Lorsque le mariage se terminera, je viendrai, inshallah, chez vous, on discutera, etc., on se verra. Mais ce jour-là, je viens pas, parce qu'il y a la mixité, il y a la musique, etc. Non. Mais, certes, il y a une différence entre yesma' wa yestamia. Car tu peux entendre une chose, sans quoi? Sans méditer ce qu'on est en train d'écouter. Non. Mais ils ont dit, c'est pas toi qui as mis la musique. Non. C'est pas toi qui as mis la musique. mais c'est toi qui as mis tes oreilles à l'écoute. C'est toi qui as branché tes oreilles. Naam, c'est pas toi qui as mis la musique, mais tu as branché tes oreilles pour écouter. Donc, si tu veux pas écouter, qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu te lèves. Il faut leur dire, je m'excuse et je pars. Maintenant, si vraiment on est dans un endroit où on peut pas partir, supposons qu'on soit dans une cellule. On est dans une cellule, on a mis la musique. Qu'est-ce que je fais? Je fais comme a fait Abdullah ibn Omar. Il a entendu un berger avec la flûte en train de jouer de la musique. Il a mis ses doigts dans ses oreilles et il a dit, c'est comme ça que j'ai vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faire. Cheikh al-Albani a dit, hadithun sahih, hadithun sahih. Donc, Abdullah ibn Omar, quand il a entendu la flûte, il a mis ses doigts dans les oreilles. Tu es dans la cellule, tu fais comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu mets tes doigts dans tes oreilles. Là, tu es excusé. Non. Mais si, dans un mariage, il y a la musique, et je dis, c'est pas moi, non, c'est pas toi qui ai mis cela, et tu leur dis, j'ai quitté, alhamdoulilah, non. Tu leur dis, barakallahu fikum, éteignez la musique. Si tu peux pas dire aux gens, éteignez, et c'est pas à cause de toi qu'ils vont éteindre, tu vas leur gâcher la khor. Khlas, tu dis salam alaikum, et tu quittes, inshallah ta'ala, non. Abu Abdullah, tafadhal. Donc, comme j'avais dit, il y a une différence entre yisma' et istama'. Naam. Tu peux entendre des choses sans comprendre. Mais yisma', ça veut dire que tu branches tes oreilles pour entendre. Naam. Abdullah 2, tafadhali. Si elle n'est pas là, on passe à Abu Mahdi. J'ai dit jamais. Naam. Ça s'est pas affiché. Abdullah 2, ça s'est pas affiché. Essaye, inshallah ta'ala, khair inshallah. Essaye inshallah une deuxième fois. Tafadhali, on t'attend. Abu Mahdi, inshallah, prépare-toi. Est-ce qu'il y a dans la salle une sœur? Pas encore, Om Abdullah, pas encore. Attends, Om Abdullah, attends, c'est facile. Attends, tu me mets la khor ici, chez moi. Attends une seconde, inshallah ta'ala. Une seconde. Naam. Voilà, maintenant, tu peux coller chez moi et moi je vais la coller dans la salle. J'ai dit que, est-ce qu'il y a dans la salle une sœur qui m'avait demandé, qui m'avait dit que son père ne voulait pas, yani, ne veut pas que le prétendant la voie, etc. Son père, yani, il a, yani, comme beaucoup de nos vieux, yani, il dit, s'il la voit, il doit se marier avec elle. Il n'y a pas qu'il va la voir, ensuite il part. Non, il n'y a pas la vue, elle dit, il n'y a pas. Non. Elle a dit, est-ce que je peux me faire voir, yani, en cachette de mon père, seulement avec ma sœur et mon beau-frère. Mon beau-frère et ma sœur, et je rencontre cet homme. Si la sœur est là, qu'elle me dise, inshallah ta'ala. Non. Pour la sœur, voilà sa question. La sœur est hors sujet, mais elle est importante. Naam, je n'avais pas lu que c'était une question de mariage, etc. Sinon, je l'aurais laissé à la fin. Parce que j'ai dit que les questions qui n'ont pas rapport avec le dars, on les laisse à la fin. Donc, c'est de ma faute. Une sœur convertie s'est mariée avec un musulman avant sa conversion. Une sœur convertie s'est mariée avec un musulman avant sa conversion. Ils ont seulement fait le mariage à la mairie, mais elle était athée, alors elle veut savoir s'ils doivent faire le halal, sachant qu'ils vivent ensemble, car ils se considèrent comme mariés. Il faudrait bien que je comprenne cette question. Une sœur convertie s'est mariée avec un musulman avant sa conversion. Maintenant, elle est convertie. Quand elle s'est mariée, elle était athée. Non. Ils ont fait le mariage à la mairie, c'est tout. Mais elle est athée, alors elle veut savoir s'il doit faire le halal, sachant qu'ils vivent ensemble, car ils se considèrent comme mariés. Bien sûr que le mariage à la mairie n'est pas un mariage. Ni le mariage, ni le talaq de la mairie ne sont valables. Naam, je parle de la mairie dans des pays européens, bien sûr. Naam, le mariage, où c'est le kafir qui me marie, ou la me divorce, n'est pas valable en islam. N'est pas valable en islam. Donc celle-là, et celui-là, ils doivent quoi? ils doivent, bi'idna ta'ala, faire le mariage. Le mariage, yani, le halal. C'est-à-dire, elle cherche son tuteur et les deux témoins. Et les deux témoins, na'am, la nikaha illa biwali wa shahidi adl. Na'am. Ensuite, elle ajoute celui de la mairie. Elle ajoute celui de la mairie juste pour les papiers. Pour les papiers, pour que ça soit quelque chose d'officiel. Na'am. On ne dit pas que c'est le tarot et ce n'est pas le tarot comme disent les tekfiriyoun. Car tu vas seulement inscrire comme si tu as acheté une voiture et tu inscris que tu as une voiture, c'est tout. Ou là on t'inscrit que cette maison t'appartient, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec ce que disent les tekfiriyoun, les tarot ma tarot. Naam. Donc c'est comme ça inshallah ta'ala. Naam. Et elle doit faire une période de viduité. Elle doit faire une période de viduité d'une seule menstrue. Et avant cela, bien sûr, ils doivent faire le repentir, car il ne leur est pas permis de se marier s'ils ne font pas le repentir. Il ne leur est pas permis de se marier s'ils ne font pas le repentir. Naam. Il ne leur est pas permis, je répète, de se marier s'ils ne font pas le repentir. Abu Mahdi, tafadlal. Naam. Qu'en est-il d'envoyer nos enfants à l'école française, barakallahu fik. Franchement, ya Wesmak, Abu Mahdi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à l'école française. Wallahi, je n'ai aucune idée de qu'est-ce qui se passe à l'école française. Je n'ai aucune idée qu'est-ce qu'il y a à l'école française. Et le jawab, far'an tasawwur. Pour quelqu'un répondre, il faut qu'il sache et comprenne bien la question. Naam. S'il ne conçoit pas la question, il ne peut pas donner une réponse. Naam. Iman, intafadlal. Salam alaikum. Vous avez parlé dans le cours des 4 à 5 choses que peut faire la femme pour passer son entrée au paradis. Est-ce possible que vous les précisiez, barakallahu fikum? C'est quoi cette question? Vous avez parlé, non, dans les cours de 4 à 5 choses qui peuvent faciliter la rentrée du paradis. Non. Pouvez-vous citer ces choses, inshallah ta'ala? Naam, je parlais du hadith qui est très connu. Naam, je parlais du hadith qui est très connu, qui parle de la femme. Yani, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا. Si la femme fait les 5 prières obligatoires. Naam. وَصَامَتْ شَهْرَهَا. Et elle fait le jeûne de son mois. C'est-à-dire, si elle jeûne pas la semaine, pendant le mois de Ramadan, ça veut dire qu'elle rattrape après. Elle rattrape, naam. Wa hassanat farjaha. Et, bien sûr, elle a été chaste. Elle a été chaste. Personne, bi'idla ta'ala, personne ne l'a approché. Après le mariage, bien sûr, personne ne l'a approché que son mari. Naam, que son mari. Elle a dit, wa ata'at zawjaha. Et elle a obéi à son mari. Elle a obéi à son mari, c'est-à-dire elle lui obéit dans les choses qui sont halal. Elle lui obéit pas dans le haram. Quand le mari veut faire le haram avec elle, elle lui obéit pas. Quand il lui dit, par exemple, je veux faire, par exemple, telle chose, alors qu'elle est, par exemple, en menstrue, elle lui dit non, c'est interdit. Elle va pas dire je vais lui obéir son mari. Elle dit non. J'obéis à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a interdit cette chose quand la femme a les menstrues. C'est un exemple. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc si elle fait ces 4 choses, c'est quoi? C'est qu'elle rentrera au paradis. Qu'il est là, le jour du jugement dernier, on va lui dire, utkhuli al-jannah, rentre au paradis, min ayyi abwab al-jannati shi'ti. Choisis de n'importe quelle porte du paradis, car comme vous devez tous le savoir, elle a 8 portes, le paradis a 8 portes. On lui dit choisis de n'importe quelle porte, inshallah ta'ala, et rentre. Pourquoi? Parce qu'elle a fait ces 4 choses, bi'idnillahi azza wa jal. Je ne crois pas que vous allez comprendre j'ai une question à poser, beaucoup de gens qui vont croire que, donc, la femme ne va faire que ces 4 choses. Voilà. Le hadith a cité 4 choses, donc, une femme va dire, donc, le voile n'est pas obligatoire. Le voile n'a pas été cité dans ce hadith. Donc le voile n'est pas obligatoire. Donc la femme peut calomnier. c'est pas cité dans le hadith. Donc la femme peut mentir. C'est pas cité dans le hadith. Donc la femme peut voir des choses obscènes à la télévision, etc. Qu'on voit beaucoup de gens. Bien sûr, ce n'est pas ça le sens du hadith. Bi-idnillahi azza wa jal, mais Allah subhanahu wa ta'ala a beaucoup facilité à la femme, comme j'ai dit tout à l'heure, comparé à l'homme, vu la souffrance qu'elle souffre et vu combien yani, ça lui est difficile de joindre entre les deux. Bi-idnillahi azza wa jal. Naam. Tarbahari, ta femme. Pardon, je voulais donner le point rouge à Iman pour la faire descendre. Je me suis donné un point rouge à moi. Ma'alish. Talibatouin, j'ai une question en rapport avec le cours. Barakallahu fikoum. Talibatouin, pourquoi cette personne n'a pas levé la main comme toutes les autres? Pourquoi cette personne n'a pas levé les mains, la main pour, comme toutes les autres? Pourquoi? Parce que j'avais dit que elle n'ose pas. Elle n'ose pas lever la main. Donc c'est une question, yani, elle veut rester dans l'anonymat. Si c'est un, réponds-moi. Est-ce qu'elle veut rester dans l'anonymat, c'est-à-dire? Non. Alors d'accord. Après Barbahari, tu poses ta question. Sinon, j'ai dit qu'il n'y avait pas d'anonymat dans la Aqidah. Salamu alaikum wa rahmatullah. Le cheikh, dans une liste, elle a écrit sur Yom Qiyam. Yom Qiyam. Le cheikh Al-Utaymi, rahimahullah, il y a une phrase du cheikh que je n'ai pas compris sur la Sira. On verra le dépôt et les liens de parenté qui se posternent sur les flancs gauche et droit du pont. Pouvez-vous m'éclaircir? Non. Sur Yom Qiyama, il y a une phrase du cheikh que je n'ai pas compris sur la Sira. Sur le Sirat, On verra le dépôt et les liens de parenté qui se posent sur les flancs gauche et droit du pont. Pouvez-vous m'éclaircir? Naam. Le cheikh parlait, Wallahu ta'ala alam, yani, c'est-à-dire que l'amana et Sayyid al-Rahim, yani, ce seront deux choses qui peuvent entraver notre réussite, yani, du passage sur le pont. Quand on passe à l'Al-Qintara, naam, on va trouver ces deux choses qui vont nous entraver. C'est-à-dire, si dans cette vie, on n'a pas gardé le dépôt, l'amana, comme il fallait, et on a coupé les liens de parenté, on ne va pas passer par le pont. Ce sera très difficile. Voilà ce que Cheikh veut dire. Wallahu subhanahu wa ta'ala, a'lam. Naam. Tafadzali l'ukht. Talibatu ilm, tafadzali. Fika barakallah. Barbahari, mashallah, normalement le Barbahari ne pose pas de questions sur l'aqidah. C'est nous qui posons des questions à Barbahari, Allahu Akbar. Barbahari pose des questions. Normalement, inshallah ta'ala, nous, on te pose des questions. Laisse-nous, inshallah ta'ala, l'email, ton email, inshallah. Barbahari, c'est pas quelque chose de facile. Talibatou alim, salam alaykoum. Pardonnez-moi, me serait-il possible de répéter le jugement de la personne qui a recours à l'échographie pour savoir le sexe des enfants? Non. Pour celui qui m'avait posé la question, non, pour celui qui m'avait posé la question sur l'Ahar, sur est-ce qu'on peut mettre les enfants à des écoles de mécréants. On vient de me donner un lien, non, un lien qui parle de cela. Tayyib, je viens d'afficher ce lien. Est-ce que vous le voyez, Oum Abdillah, est-ce que vous voyez le lien? Moi, je ne le vois pas, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous voyez le lien? Moi, j'appuie sur send, mais je ne le vois pas. Taïb, j'attends un peu, je crois qu'il y a un décalage. Quand je ne vois pas la chose, ça veut dire qu'il y a un décalage. J'attends, inshallah ta'ala, je viens. Taïb, est-ce que... Écrivez-moi numéro 1. Sinon, je dois sortir de la salle et revenir. Parce que je ne vois pas ce qui est affiché. Non. Je sors, inshallah ta'ala, une seconde et je reviens. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Fi saut. Non. Alhamdulillah. Tayyib. Je recolle le lien si je peux. Non. Maintenant, je le vois. J'ai dit pour ceux qui ont dit, est-ce qu'on met ses enfants dans l'école des mécréants? C'est ce lien. Vous cliquez dessus. Moi, J'ai pas vu ce qu'il y a à l'intérieur. Inch'Allah ta'ala, après je le verrai. Non, après je le verrai. D'ailleurs, je vais maintenant, pour ne pas le perdre, je vais une seconde, je vais le mettre quelque part dans un fichier, Inch'Allah ta'ala, pour ne pas le perdre. Une seconde, Inch'Allah ta'ala. Non. Sinon, je vais le perdre. Voyez, je vais le mettre ici, Inch'Allah. Alhamdoulilah. Tayeb, rappelez-moi, Inch'Allah, on parlait de quoi? Qu'est-ce qui peut me rappeler? On parlait de quoi? Om Abdillah ou bien Talibat, on parlait de quoi? C'était quoi la question? Pardon, est-ce possible de répéter le jugement de la personne qui a... Naam. Je parlais de l'échographie. Je n'ai pas dit que c'était interdit. Mais je parlais des femmes qui allait faire l'échographie chez les hommes, chez des docteurs hommes. Elle va yani, découvrir son ventre parce qu'on ne peut pas faire l'échographie si le ventre, par exemple, est couvert. On ne peut pas faire sur, par exemple, la robe. Il faut qu'elle montre yani, le côté où on va faire, où on va poser l'appareil là. J'ai dit que ce n'était pas une nécessité. Ce n'est pas une daroura pour aller chez l'homme pour qu'il me fasse l'échographie pour savoir seulement si j'ai un garçon ou là j'ai une fille. Voilà ce que j'ai dit, bi-idhnillahi azzawajal. Naam. Abu Huzaifa, tafadhal. Naam, inshallah ta'ala, il reste un quart d'heure. Abu Huzaifa, tafadhal. Abu Huzaifa, peut-être qu'il n'est pas là. Abu Huzaifa, écrit numéro 1, juste pour qu'on sache que tu es là, barakallahu fik. Jazakallahu khairan, écrit numéro 1 pour qu'on sache que tu es là, bi-idhnillah ta'ala. Tayyib. Firdaus, ah, tu es là. Tafadhal, regarde, regarde. Tu m'envoies la question ici. Tu m'envoies la question à moi. Si tu as des difficultés, envoie-moi la question ici. Naam. Firdaus, 13005. Tafadhal, ou tafadhali. Naam. Salam alaikum. Ma question est hors sujet, mais importante. Pour ma soeur, elle a des jours de jeûne à rattraper de sa première grossesse. Et là, elle est de nouveau enceinte et n'arrive pas à rattraper ses jours de jeûne. Que doit-elle faire? Non. Quand une personne a, mais une femme, surtout une femme, a des dettes qu'elle n'a pas encore rattrapées, il faut qu'elle les rattrape avant que le prochain Ramadan ne rentre. Non. Il faut qu'elle les rattrape avant que le prochain Ramadan ne rentre. Naam. Maintenant, si elle les laisse jusqu'à ce que le prochain Ramadan rentre, alors elle les rattrapera après le Ramadan, bien sûr, et en même temps, elle aura des péchés. C'est-à-dire rattrapage plus péché pour les avoir laissés dépasser l'autre Ramadan. Et maintenant, donc je réponds à cette sœur, qu'est-ce que je lui dis? Maintenant, puisqu'elle est dans sa grossesse et elle ne peut pas jeûner maintenant, elle attend après. Elle attend après et elle rattrapera. C'est-à-dire que si elle sait que après elle se portera bien, etc., elle laisse après, Inch'Allah ta'ala, et elle rattrape. Et si elle est excusée, si elle avait des excuses, elle est excusée. Si elle n'avait pas d'excuses, elle aura des péchés si elle a laissé arriver l'autre Ramadan. Si elle a laissé arriver l'autre Ramadan. Naam. Tayyib. Barakallah. Voilà ce qu'a écrit le R. Bon, ça veut pas se coller, hein. Wasmak. Abu Hudayfa. Ça veut pas se coller. Mais, Inch'Allah ta'ala, je vais leur lire. Je vais leur lire, c'est tout. Je vais leur lire. Tayyib. Assalamu alaikum, cher. Je suis Sénégalais. Je suis Sénégalais. Dans mon pays, notre président qui était musulman applique la démocratie, n'applique pas la charia. Est-ce qu'il faut faire la béa, pacte d'allégeance et obéissance avec lui? Certains frères disent que celui qui ne fait pas, ne le fait pas et meurt, mourra dans l'ignorance. Et la majorité des frères sénégalais disent qu'il faut que ce dernier applique d'abord la loi islamique. Mon problème, je ne sais pas qui suivre. Parce que je suis faible en arabe pour lire leurs preuves. Quel conseil vous me donnez et quelle est la vérité si un musulman n'applique pas la charia? Non. Quand quelqu'un n'applique pas la charia, cela dépend pourquoi il ne l'applique pas. Si il ne l'applique pas, il ne l'applique pas, car il sait, non, il sait que la charia, on est obligé de l'appliquer, mais il dit par exemple, cette charia-là, ça va nous faire revenir au temps des anciens. Et ça va nous faire revenir à l'arrière. C'est de l'obscurantisme, c'est du djahl, etc. Dans un cas pareil, il est kafir. Ou bien s'il dit par exemple, la charia, je sais qu'il faut, yani, qu'elle est d'Allah, etc. Mais la démocratie ou la charia, c'est la même chose. Donc il est kafir ici aussi. Et s'il dit la démocratie est mieux que la charia, il est aussi kafir. Et s'il dit, je suis libre, je fais ce que je veux, la charia ou bien l'autre, il est kafir. Mais s'il dit, je sais que il faut appliquer la charia, mais il ne l'applique pas, par exemple, par peur, ou bien par shahwa, par tentation, ou bien parce que les ulama ne lui ont pas montré. Ils lui ont dit, par exemple, que oh, c'est la même chose, ça ou ceci, ça. Ils lui ont pas montré. Celui-là, c'est toujours un musulman. Non, celui-là, c'est toujours un musulman. Donc toi, bi'idhnillahi ta'ala, tant que tu sais qu'il est musulman, tant que tu sais qu'il est musulman, et qu'il n'est pas passé à la télévision, il n'a pas dit, je ne reconnais pas la charia, je ne la reconnais pas, je suis contre la charia. Tant qu'il n'a pas dit cela, le fait qu'il n'ait pas appliqué la charia, seul ne suffit pas. Non, ne suffit pas. Car on peut ne pas faire des choses obligatoires, et on n'est pas kafir. On peut ne pas faire des choses obligatoires, on n'est pas kafir. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala, quand il a parlé de ceux qui n'appliquent pas la charia, il les a divisés en trois groupes. Il a dit, Oulaikahumul kafirun, il a dit Oulaikahumul zalimun, il a dit Oulaikahumul fasiqun. Ce ne sont pas toujours des kafirun. C'est Allah Ta'ala qui les a divisés en trois groupes. Naam. Mais les takfirun, prennent seulement du verset ce qu'ils veulent. Ils disent, Allah Ta'ala a dit, wa man lam yahkum bima anzalla fa ulaikahumul kafirun. Et ils ne montrent pas aux gens qu'il y a le zalimun et qu'il y a le fasiqun. Ou bien ils disent, les trois c'est la même chose. Car le kafir, ça veut dire zalim, et le zalim ça veut dire kafir, et le fasiq ça veut dire kafir. Donc Allah Ta'ala, dans les trois, veut dire kafir. Ça veut dire que Allah Subhanahu wa Ta'ala, subhanallah al-azim, son Coran n'est pas fasih. Allah Ta'ala a répété trois choses, trois fois les mêmes choses. Ce sont les kuffars, ce sont les kuffars, ce sont les kuffars. Et moi, si j'écris quelque chose, je ne fais pas une chose pareille, une répétition pareille. Naam. Tayyib, Diallo 36, tafadhal. Les frères qui veulent poser des questions restent anonymes, à qui doivent-ils adresser? C'est pas la peine qu'ils posent des questions anonymes, parce qu'il reste seulement 5 minutes. Il reste seulement 5 minutes, bi'idhni ta'ala. Naam, il faut faire la bay'a. La bay'a, j'ai oublié de terminer. La bay'a, mon frère, ce n'est pas que tu ailles chez lui. Ce n'est pas que tu ailles chez lui et tu lui dises bay'a. C'est une chose qui se passe dans ton cœur. Dans ton cœur, tu reconnais que c'est lui le gouverneur, c'est tout. D'ailleurs, la bay'a, ce ne sont pas tous les gens qui la font. Ce sont les ulama, etc., qui font la bay'a de lui. Ahlul halli ou l'aqd. Toi, dans ton cœur seulement, tu dis, celui-là, c'est lui auquel je dois obéir, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa in kana abdan habashiyan. Naam. Tayyib, c'était à qui le tour? Abu Hind, tafazzal. Abu Hind 76, tafazzal. Allah yisalmak, Diallo. Allah yisalmak, n'oublie pas de faire la bay'a avant de mourir, mait jahiliya. Avant de mourir, comme mouraient les ignorants et les kuffars, qui n'avaient pas de le pacte d'allégeance à Adam, ou la d'allégeance. Fais avec ton cœur, Inch'Allah Ta'ala, pour que demain, tu trouves une excuse devant Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Hind, est-ce que tu es là avec nous, Inch'Allah? Abu Hind, tafadzal. Wa fika barakallah, Abu Huzaifa, fika barakallah. Pour ne pas perdre de temps, Umm Majid, tafadzali. Abou Hind, est-ce que tu as terminé la question? Abou Hind, est-ce que tu as terminé la question? Naam. Écoute, Abou Hind, en islam, quand quelqu'un meurt, on l'enterre dans la ville où il est mort. En islam, il n'y a pas transféré quelqu'un d'une ville à une autre. Alors, qu'en est-il d'un pays à un autre, en islam? D'une ville à une autre, on ne le transfère pas. On l'enterre dans la ville où il est mort. Bien sûr, si on peut, hein, si on peut, si, s'il y a un cimetière, etc. Si le cimetière est vide, etc. S'il y a de la place. Non. C'est pour ça que Cheikh Al-Albani, dans son livre Ahkam al-Janaiz, a bien montré que c'était interdit de prendre quelqu'un d'un endroit et de l'emmener vers un autre endroit, sans raison. Maintenant, reste à savoir, dans le pays où vous êtes, je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Est-ce que, si vous savez ou là, vous avez peur qu'il va être, par exemple, enterré avec les koufars, etc., dans ce cas, vous donnez de l'argent pour qu'il soit enterré loin des koufars avec les musulmans. Mais s'il y a un cimetière spécialement pour les musulmans, on le met à l'intérieur, on doit le laisser dans ce cimetière. Et ça ne gêne pas qu'il soit musulman et mort dans un pays de kofar. Car l'essentiel c'est quoi? L'essentiel c'est l'aqida et les actions qu'il faisait. Ce n'est pas être devant un kofar ou là loin d'un kofar ou là être près de... Si quelqu'un ne faisait que les mauvaises actions, il a été kafir. On va l'enterrer devant Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, il va rien gagner. Et la même chose. Si tu étais, mashallah, on te met devant un kafir, tu vas rien perdre. Naam. Donc, vous voyez, est-ce qu'il y a un endroit musulman, etc. Si oui, on doit l'enterrer là-bas. Et ne pas donner d'argent pour le rapatrier. Maintenant, s'il n'y a pas ce que j'ai dit, pour donner de l'argent pour le mettre avec les musulmans. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. On m'a dit, tafadhali, il reste 5 minutes ou là, même pas. Tafadhali. Je vous rappelle, inshallah ta'ala, que demain, le dars, c'est parti Europe. Naam, il reste 2 minutes. Barakallahu fik. C'est parti Europe, inshallah ta'ala, et ce n'est pas religion islam. C'est Europe, ensuite France. Demain, inshallah ta'ala, le dars, c'est Europe, ensuite France. On m'a dit, je l'ai pas vu. On m'a dit, attends, je vais t'ouvrir le PV parce que elle s'est pas affichée. Pose-la, inshallah ta'ala, ici. Tafadhali. Non, parce qu'elle s'est pas affichée. Mais toi, tu as les PV fermés. Oumadji, tu as les PV fermés. Même moi, je peux pas te contacter. Taïb, alors essaye une deuxième fois, inshallah. Essaye une deuxième fois, inshallah. Essaye ou bien ouvre le PV. Wahda minhom. Ou Majid, essaye encore une fois ou bien ouvre ton PV. Ou bien envoie à Oumma Abdillah. Assalamu alaikum, salam alaikum. Hayakallah, hayak. J'ai appelé mon fils il y a 26 ans. Maintenant, je me demande si j'ai bien fait. Naam. Yani, pour être franc, je n'ai pas compris cette question. Naam. Je n'ai pas compris cette question. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai appelé mon fils il y a 26 ans. C'est très difficile à comprendre. On m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire cette question? J'ai appelé mon fils il y a 26 ans. Je n'ai pas compris. La hawla wa la quwwata illa billah. On m'a dit, est-ce que tu es avec nous? Peut-être a-t-elle oublié de préciser le prénom. Et qu'est-ce que ça veut dire la question, Adi? J'ai pas compris. J'ai appelé mon fils il y a 26 ans. Ah, moi, je me suis en train de dire, je l'ai appelé au téléphone ou là, comment? Ah. Wallah, wallah, et moi, j'avais cru au téléphone. Je me suis dit, elle a appelé, il y a 26 ans, elle a appelé au téléphone, maintenant elle regrette. Pourquoi elle regrette, etc. J'ai pas compris, Adi, que je l'ai appelé, Adi, je l'ai nommé, ça. Non. Il y a 26 ans, Majid. Non. D'abord, je ne sais pas, Majid. Je ne sais pas si Majid, je ne sais pas si ça rentre dans la tazkiya. Mais attends, je vais l'écrire. Attends, je vais l'écrire. Inch'Allah ta'ala, mercredi, je te donne la réponse. Je ne sais pas si Majid, ça rentre dans la tazkiyah. Je vais d'abord l'écrire. Non. Inch'Allah ta'ala, mercredi, bi'idhnillah ta'ala, je te donne la réponse, bi'idhnillah azza wa jal. Non. Islamiyah. Et on termine, inch'Allah. Islamiyah. Non, la dernière question, inch'Allah. Islamiyah, d'accord. Et Majid, inch'Allah, mercredi, toi et beaucoup de questions, inch'Allah ta'ala, auxquelles je répondrai mercredi. Et barakallahu fikoum, pour ceux qui assistent, pour ceux et celles qui assistent dans la salle d'Europe, barakallahu fikoum, et si, yani, n'oubliez pas qu'il y a des gens avec nous qui sont des kuffars, des chrétiens, etc., qui ne comprennent pas beaucoup de choses qu'on dit. C'est pour ça, essayez, inch'Allah ta'ala, de poser des questions qui attirent un peu les gens vers la religion, etc., qui montrent la beauté de la religion, etc., etc. Non. Et des choses qui sont assez claires pour eux. Je voudrais savoir si les sœurs qui s'habillent à l'occidental ont des longues tuniques et des vêtements très larges, est-ce qu'elles ont un péché pour le vêtement si elles ne portent pas le djilbab? Non. Peux-tu dire au cheikh si la réponse pour le djilbab, les deux pièces, barakallahu fik, excuse-moi de t'avoir dérangé. Non, pour la réponse du djilbab, c'est mercredi, inshallah ta'ala. Mercredi. Car, yani, chaque mercredi, j'ai bidna ta'ala, rendez-vous avec quelqu'un un homme de la science. Inshallah ta'ala, ce sera bi'idnillah ta'ala, mercredi. Pour moi, mon avis, c'est que ce djilbab, yani, il remplit les conditions. Pour moi, c'est mon avis. Mais je voudrais, inshallah ta'ala, être plus sûr. Je voudrais, inshallah ta'ala, être plus sûr. Quoique, il m'a paru que ce djilbab, yani, était un peu beau, yani, attirant, yani. Wallahu ta'ala alam, ma. Wallahu ta'ala alam. Salam alaikum. Je voudrais savoir si les sœurs qui s'habillent à l'occidental avec des longues tuniques et des vêtements très larges, est-ce qu'elles encourent un péché pour le vêtement? Ça ne porte pas le djilbab. Non, mais les pantalons, assez des longues tuniques. Non. Celles-là, elles encourent un péché. Non, elles encourent un péché. Pourquoi? Parce que, déjà, le fait de porter le pantalon pour la femme, il ne lui est pas permis. Il ne lui est pas permis à une femme de porter un pantalon, sauf si elle porte à la maison un pantalon de femme. Il y a des pantalons de femme, pas d'homme. Un pantalon spécialement qu'un homme ne mettrait jamais. Un pantalon de femme. Et encore, elle doit le couvrir à la maison de façon à ce que, yani, on ne voit que son bas. On ne voit son bas et non pas comme la femme, yani, à la maison, elle va mettre par exemple un blue jean. Elle va mettre un blue jean, elle va dire je suis à la maison, il n'y a personne qui me voit, etc. Et elle a oublié qu'elle s'est fait ressembler à un homme. Elle a oublié qu'elle s'est fait ressembler à un homme. Non. Pour ces personnes-là qui portent le vêtement, comme vient de dire Islamia 3, non, en principe, elles ne devaient pas porter ce vêtement, mais je ne sais pas. D'après les contraintes qu'elle peut avoir la femme, là, d'après yani, le milieu où elle vit, si c'est très difficile, si c'est une nouvelle reconvertie, si c'est cela, si cela, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans le jeu. Oui, mais ça couvre jusqu'au genou. Naam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, Islamia 3, Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé, et a demandé aux femmes de mettre un vêtement spécial. Un vêtement spécial qui ne soit pas fitna. Qui ne soit pas fitna. Et qui ne montre pas les formes de la femme. La femme, avec la tunique, on voit ses formes. On voit ses formes, on voit son corps, on la voit comment qu'elle marche, on voit ce... Et quand elle met un djilbab, on ne voit rien, on ne voit pas les formes de son corps. On ne sait même pas si elle est maigre ou elle est grosse, on voit rien, non. Mais avec la tunique, d'abord, on voit les formes. Et deuxièmement, c'est quelque chose peut-être qui la rend encore plus belle. Ça va, yani, attirer peut-être plus avec la tunique. C'est pour ça que je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils aident nos sœurs, bidna ta'ala, pour qu'elles mettent le djilbab au lieu de la tunique. Car le djilbab, c'est quelque chose de shar'i. Quand tu l'as mis, ça veut dire que tu es sûr que c'est ce que Allah ta'ala a demandé. Il a été cité dans le Coran. Yudnina alayhinna min jalabibihinna. Il n'a pas dit leur tunique, il a dit jalabib. C'est un vêtement spécial qui te montre, il te montre que voilà, c'est toi, la croyante, c'est toi, la pieuse, c'est toi qui a décidé de suivre le chemin d'Allah. Mais il y a, en mettant la tunique, il y a beaucoup de kafirates qui mettent les tuniques. Non, pourquoi la kafira, elle met aussi la tunique, il n'y a pas de différence. D'abord, je pose une question. Pourquoi la sœur? Naam, le regard des gens, il a été cité dans le Coran, ma sœur. Le regard des gens, il a été cité dans le Coran. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَإِذَا مَرُّ بِهِمْ يَتَرَمَزُونَ. Il a dit, et si, il parle des kuffars, quand ils passent devant les musulmans, ou bien les musulmans passent devant les kuffars, يَتَرَمَزُونَ, ils vont se jeter des clins d'œil, des clignotants. C'est-à-dire, ils disent, regarde, regarde celle-là. Regarde comment elle est habillée. Regarde. Naam, tout ça, c'est cité dans le Coran. Naam. Toi, quand tu passes, on te regarde à travers, on te dit des mots, etc. Tout ça, tu as beaucoup de récompenses d'avoir enduré. Toi, tu fais pas le djihad. Tu es une femme, tu parles pas au djihad. Mais, tu dois avoir une autre forme de djihad. C'est quoi? C'est dans la rue, les gens te provoquent, les gens te disent des choses, les gens rient de toi, les gens crachent sur toi. Tout ça, ça rentre dans le grand djihad. Demain, Allah Ta'ala va te dire, vraiment, tu as enduré toi. Tu as enduré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Huffatil janna bil makarih. Il a dit, le paradis a été entouré de choses yani, qu'on n'aime pas, makarih, makrahouha, de choses détestables, de choses yani, difficiles. Naam, le paradis, ce n'est pas des roses qui sont sur le chemin, tu marches sur les roses, mashallah, tu marches sur un tapis, sur la moquette, et tu rentres au paradis. Il faut qu'il y ait des fitnes, il faut qu'il y ait des problèmes. Il faut que les gens rient de toi, il faut que les gens se moquent de toi, il faut que les gens fassent yani, des clins d'œil, etc. Et regarde autre chose, ma sœur islamia, regarde pourquoi les sœurs chrétiennes, pourquoi elles mettent une sorte de djilbab. Vous voyez le rabbi combien qu'il est large, naam, et elles mettent le foulard sur la tête. Pourquoi elles n'ont pas honte et pourquoi les kuffars ne rient pas d'elles, hein? Pourquoi les kuffars qui sont injustes? Pourquoi ils ne rient pas de ces femmes et ils rient seulement de nos sœurs musulmanes? أقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم. Je suis un peu fatigué. On se rencontre inshallah ta'ala demain dans la salle d'Europe. بارك الله فيكم. جزاك الله خير القلم tu es là. نعم. هذا laisse-le pour les chrétiens inshallah ta'ala. نعم pour les chrétiens. والله la sœur elle est chrétienne, elle marche avec subhanallah quelque chose qui ressemble au djilbab, quelque chose de très large. Et un foulard très large, et personne ne l'embête, personne ne lui parle. Est-ce qu'elle est mieux que moi, celle-là? Elle est mieux que moi. Elle est dans le faux. Elle est dans le faux. Et j'atteste que si elle meurt, elle va aller en enfer. Et subhanallah, elle est là, elle n'a honte de personne. Elle défie tout le monde, et elle sort avec cela alors qu'elle va partir en enfer. Et moi qui vais partir en paradis, inshallah ta'ala, j'ai honte de mettre cette chose. Qui? Je parle de la sœur chrétienne. Je parle des chrétiennes qui vont à l'église, etc. Qui sort avec yani, son habit comme ça, qui est large et qui a un foulard sur la tête. Naam, ce n'est pas de toi. Toi, inshallah ta'ala, tu vas mettre le djilbab et aller au paradis, inshallah ta'ala, avec les premières qui vont rentrer. Subhanakallahu wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum.